Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Mananus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Qui t'a arrivé, arriva. Hey. Rodriguez. Zoccherini. Père et fils. Bienvenue dans votre podcast mensuel apéro original, épisode de 10.3. Trop bourré edition. DLC, ouais. Trop long de 3 heures edition. Enregistrement appelé 10e chevalier. Voilà. Comme Michel. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Petite boring dude. C'est toi qui décide. Au cours de cet épisode, vous retrouverez vos chroniques habituelles. Un dossier de Gandalf, un quiz d'Azertoff. C'est pas une culerie. Avec un petit interlude de questions aux invités. On finira par une petite musique et on va commencer, comme d'habitude, par de la dégustation de bière et autres spiritueux. Mais tu vas trop vite, putain. C'est toi qui dis ça? Attends, je lance le jingle ou... Non, pas encore. Ah, mais d'accord. Comme d'habitude, donc, fais un signe. On est diffusé... Ouais, je te ferai un... Oh putain, merde. Un check... J'ai pas vu que c'était ça, en fait. Comme d'habitude, on est diffusé sur Pod Radio. On sait pas trop quand, on sait pas trop à quelle heure. Vérifier la grille des programmes. Petit rappel également, puisqu'on est... On sera au mois de décembre. C'est Noël. Joyeux Noël. Donc on sera seulement... Bon jour. Bonne bourre. Bonne on sera bourre. Seulement à 3 mois à peu près de Podren. Ouais. On le nain sur la bûche. Le 31 mars et le 1er avril. Donc pensez à aller sur le site pour voir les informations. Podren.fr. Donc un événement sur le podcast pour les poditeurs et les podcasteurs. 8 allées Léon Lebert à Rennes. Adeline Chetey. Ça c'était la dernière fois. Je débande. On sait pas, enfin au moment où on enregistre, on sait pas encore, on verra. Je rebande. Voilà, on y sera un nombre ou pas, on sait pas trop. Couteau, là. Mais on y sera, on y sera représenté et on aura peut-être quelques goodies. On se démerdera pour avoir 2-3 connards. Si on n'a pas de goodies, ça sera nous. Voilà, ce sera nous les goodies. Je pense que je vais venir finalement. Non, reste. Je vais faire un goodies à ta place. C'est fini pour l'intro. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet avec C'est bien houblon, dégustation de bière. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais goûter. On va goûter. Pouah ! Allez, folle ! Oh ! Ah, j'ai faim ! Ah, j'ai chaud ! C'est ah, j'ai froid ! J'ai soif ! Allez, non, vous fuyez, les gars. Je peux faire une voix de foraine en attendant? Et c'est le décapsuleur. Alors cette chronique sera l'occasion aussi de présenter les invités puisque je les ai pas présentés. Ah oui c'est vrai, putain. Tu vas trop vite. On en est déjà à 4 minutes je crois, je sais pas lire, mais bon bref. C'est vrai qu'on s'habitue. Donc vous verrez qui c'est qu'il y a. Ça sera la surprise. Surprise. Où allons-nous? Ils sont là. Alors première surprise, Gandalf. Ah! Alors, une espèce de traîtrise là. Alors, et en plus, il va falloir que je dise le nom de ma bière. Et là, c'est le. Alors, récemment, je suis allé à Rodez et ma mère m'a dit: et pourquoi on passerait pas par là? Par là où? Hein, je vous laisse. À gauche ou à droite? Voilà. Pas au fond à droite, bien évidemment. Et je suis allé par cette petite ruelle sombre qui se sentait pas bon. Et je suis tombé sur un magasin de bière. Mais pour de vrai, hein, pour de vrai, no joke. Et dedans, il y avait un sympathique bonhomme qui vendait des tonnes de verres. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai des remords à faire venir à Zertov. Parce que je sais on ira, on ira. Voilà, où tu voudras, quand tu voudras. Mais voilà, je sais que les verres à bière, c'est sa grande passion. Comme moi, c'est les jeux sous blister. Et je suis tombé sur le mec qui me disait « Oui, or chez nous, on aime les bières vineuses. » C'est-à-dire, il ne me l'a pas répété 30 fois. Donc, j'ai pris une Ichtengens, si je lis bien, parce que c'est écrit de façon romantique, là, donc... Voilà, non, hein. C'est vrai que toi, le romantisme, de toute façon... Ah non, mais... On est d'accord. Ouais, c'est secondaire, ouais. Voilà. Bon, ouais. Eh, tu vois, il dit une joke pour pas avoir à lire le nom, hein. Si, Ichtengens. M apostrophe S. Ouais, voilà. C'est pas du romantique, c'est du gothique. C'est... Oui, voilà, pardon. Faut que t'arrêtes de chicoler, mon gars. Oui, bon, ouais, ouais. Ah, c'est bon, on est pété comme jamais. Allez, c'est bon. Voilà. Pété comme jamais. Oh merde, putain, je pensais jamais la faire. Oh, enculé. Donc, c'est une Ichtengens grain cru. Alors, c'est une Flemish Red Ale Maturel in Wack Barrel. Donc, c'est vieilli en fût de chêne. Et c'est la cuvée 2014. Et ça fait. Et ça fait. À 6,5 de degrees. Par contre, la touche mobile, nickel. Le polichinel, nickel. Et il en a rien à péter, le gosse. Et ça lui va lui, pas lui péter le cerveau. Il en a rien à foutre. Et c'est produit, je sais pas où, en Belgique, en plus avec un truc. Alors, on en a rien à foutre. On y va. On est bon. Il y a Revan qui a une niche de Kraken. C'est vrai ? Ouais. Bah, moi, je suis pas loin déjà. Alors. Mais par contre, elle a dit, c'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Après, nous on aimant gagner, mais elle, elle n'allait pas gagner. C'est pas gagné. Gagné. Nous on aimant gagner, mais elle n'allait pas gagner. On est manganèse, nous, ouais, putain. On ne se moque pas, non. Non, on se moque pas. Ah, on se moque pas. Mais il manque un accent circonflexe sur le haut. Elle est bien prune, non. Ah, mais c'est une bière vineuse, hein, donc autant dire qu'à l'odeur. Mais qui en parle de la bière, Audrey Van? Bah, les deux. Je vais la choper avec du pinard, moi. Oh, putain. Alors, là, moi, j'y suis pour rien. Je donne parce qu'elle parle de ses doigts. Ah d'accord. J'ai eu des problèmes avec les brunes. Hein. Oh les brunes, les blondes, les rousses. Tant que ça suce moi, tu sais. Non, non, non pas rien foutre. Hein. Oh, non. Et moi je lâche les oreilles. Tu sais, hein. T'as 30 secondes pour te boucher les oreilles, Revan. Mais sa réaction, mets ton jeu. Non, non, c'est pas ton jeu. C'est moi qui prends en plus. Non, non, c'est pas. Mais les gars. C'est pas moi. C'est Gandalf. Mais c'est moi. Qui dit de la merde. Ça fait des années que je dis de la merde. Faut arrêter de niquer les nouveaux sociétaires. Les anciens sociétaires, ils disent autant de la merde que les nouveaux, même plus. Hein. Oh putain, c'est moi qui prends tout dans la gueule. Mais non, arrêtez de... Toshu, il est très gentil, il est très aimable. Oui, il fait des jolis dossiers. Oui, il fait des jolis dossiers, avec plein de textes que nous, on n'est même pas foutu de les faire. Alors, merde, hein. Mais avec son dossier, il a... Eh ben d'ailleurs, je donne un jonjon parce qu'il a rien dit. Merci. Gandalf, ça va pas, hein. Allez, Jean-Jean, vas-y, fais péter. Eh ben, moi, j'ai pris une Carland. Tout à l'heure, on avait la tourbée. Ouais. Ah, oui. Je me suis... Et il y en a plus partout qu'ailleurs. Pas encore. Tenté par Lambré, donc c'est toujours une bière du pays. Oh, Toshu a de mauvaises influences. Je crois que c'est celle que j'ai prise chez moi, là, en vrai. Podren en règle, ça veut dire que les femmes auront leur... Non, en règle, pas en règle. Excusez-moi. Règle, ah, nos comptes. D'accord, j'avais mal lu. Oui, je vois ça. Vous pouvez laisser Jean-Jean finir son compte à sa bière, là. Mais je dis rien, moi. Non, mais c'est les règles, ça m'a perturbé. Ça me perturbe c'est... aussi. Non, mais c'est les règles du jour, tu sais, c'est comme hier. Ouais. Hein. Ouais, c'est les petits jeux du samedi soir, oui, je les connais, c'est bon. D'ailleurs, il y a un privacy. Les jeux de la biscotte. Non, ça, as-tu déjà fait l'amour par contre ? S'il y a un privacy 18 plus, moi ça me va. Quoi ? Ah oui, non mais c'est moins de 18 justement. C'est, Ah, mais moins c'est de 18 ans donc. Ah, il a annoncé la couleur. Et puis, elle est parfaite la petite bière. Juste deux petits doigts de tête, non, c'est nickel. Et elle vient d'où celle-ci alors ? Parce que moi j'étais en train de me défendre contre la mauvaise foi de certains. Bon, j'ai voulu pas en parler parce que j'ai failli faire un sans faute, mais. Là, je peux prendre la voiture, mais pas les femmes enceintes pour ça. Là, c'est la triste fin dans ce podcast. Moi, j'aime bien prendre les femmes enceintes. Sur les deux précédentes, j'avais choisi pour ça, honnêtement. Donc, maintenant, je vais donner le décapsuleur à Asto. Non, Non. Qui est déjà ouvert. Non, c'est lui qui présente. Ah oui, voilà. C'est mon dernier. Ah oui, donc c'est lui le dernier. T'as le droit entre le barbu ou l'autre. Je lui ai déjà donné, donc je vais le donner au barbu. Hein. Allez, ah, mais moi, tu sais que j'ai ce qu'il faut. C'est ça. Du coup, c'était une que je note dans le. Une Arlande. La Carlin en vrai. Alors, d'où c'est qui parle Toshio? Ben, Toshio, il a voulu se souvenir des vacances qu'il avait passées. Alors, au Havre, dans la famille. Donc, oui, fatalement au Havre. Hein, donc, désolé, c'est pas marrant pour tout le monde, mais il y a un moment, faut bien y passer. Mais je suis content, j'ai vu ma maman. Et par la même occasion, j'ai pu retrouver Loli et Musica. Et du coup, Loli m'a fait tout un joli speech, tout un explicatif sur Brewdog. Il m'a fait déguster du Brewdog. Il m'a fait déguster aussi son dernier brassin. Et donc, je voulais lui rendre un petit peu hommage. Chanceux. Et oui, uniquement aussi parce que... Moi, j'y tiendrais bien le brassin. Uniquement... Oh putain. Fais attention à ce que tu dis parce que là je vais pas être objectif. Et puis Loli non plus. Hein. Ouais, en plus, ouais, puis alors Loli, franchement, c'est vraiment pas le même gabarit que moi non plus. Et je pense que même Musica, toi, elle pourrait t'en mettre une. Tu vois, Loli, généralement, si il te met une gifle, tu l'esquives, tu prends une bronchite. Donc, je pense que tu devrais pas t'attarder sur ce terrain-là. Voilà. Donc pour me souvenir de tout ça, je me suis dit, tiens, je vais me prendre une Brewdog et c'est une hardcore IPA. Je sais pas ce que Loli en pense, mais moi je prends plaisir à me souvenir des bons moments et je vais boire celle-là en pensant aux bons moments que j'ai pensé avec eux. Donc elle est titrée à 9-2. Ah oui, quand même. C'est l'Explicit Imperial Ale. Et madame qui a un polichinelle dans le tiroir, elle va encore faire ceinture ce soir. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut la recycler et a priori, ça passe en plein dans la Toshio mobile. La femme enceinte ou la bouteille? Les deux. Ah. Les deux. Honnêtement, je réponds les deux parce que j'ai même pas écouté la question. C'est bien. Mais l'avantage, c'est que ça rappelle des bons souvenirs et c'est tout ce qui compte parce qu'on est là qu'une seule fois sur Terre et autant en profiter. Allez, c'est parti. C'est une belle couleur surtout. Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais déjà, belle couleur fait jolie. Belle couleur d'Imperial IPA, ouais. Pour l'avoir déjà goûté, un tabac, c'est bien, mais elle se boit bien aussi. Et ça, c'est fait et c'est plus à faire. Donc on va poser ça. On va les laisser reposer un tout petit peu. On va reprendre. Je sais pas où le tireur. Donc je vais finalement filer mon petit décapsuleur à Monsieur Asto, l'hôte du soir. Non, Azertov. Azertov, pardon. Excusez-moi. Tout le monde veut leur filer Asto. Ouais, mais Asto, c'est la mascotte. Ah bon? Tu pensais que c'était moi? Ah, ça va le plus souvent. C'est celui qu'on aime malgré qu'on le connaisse pas. Coucou Anna. Voilà. Du coup, histoire de rester dans les bières validées par Loli, j'ai une brasserie de la Mont-Salève, une blanche. Ah, ça c'est Jean-Marc. Il y a un peu de bière blanche sur cet enregistrement. Ouais. De Savoie. Alors, les ingrédients haut de monde de Salève. Malt, donc c'est du Pilsner avec du blé, du houblon, c'est du citra. Pilsner partout. C'est très bonne, le houblon citra qu'on a déjà goûté dans de la vedette. Il y a qui disent qu'à l'oral... C'était de la goudale, non? Ou de la goudale aussi, je sais plus. On a je sais goûté. Plus. La levure, c'est du... Non, une duvel. Peut-être duvel. Une duvel. On a tellement bu que on s'en rappelle plus. La levure, c'est du Husso 5. Du Husso 5? Husso. Comme Usopp, mais avec un seul S, c'est sans P. USO. USO 5. USO en japonais, ça veut dire mensonge. Menteur, ouais. Usopp. C'est pour ça que Usopp s'appelle Usopp. Ça, c'est méta. C'est une 5 degrés interdit aux femmes enceintes. Dis pas. Et c'est tout. Et on va ouvrir tout ça. Et on s'ouvre ça. Et on s'ouvre ça tout de suite, exactement. J'aimerais pas être l'ordinateur. C'est unique. Ça sent bon le houblon citra. Dirons que ton cheveu peut faire des retweets, hein, ça va. C'est-à-dire qu'il est vivant. Ah, toujours. C'est bien parce que la bière blanche, elle est quand même plus colorée que l'Octoberfest blonde. Ouais, là. Ah. Pipi. Une ou petite pipi. Couleur jaune un mais, petit peu trouble, elle mais. Trop, ah oui, non, mais je vais vous croire. Là, le citra, tu le sens en fait. Tu le reconnais citra. Bien. Ça fait dingue de mauvais programme informatique. En fait, quand tu sens, t'as l'impression que c'est une épillée parce que tu sens bien le houblon. Non, c'est une blanche avec le houblon citra. Donc tu. Attention, tu attention, sens... attention. Du coup, je vais donner au dernier. Bah, c'est fait. Dernier des Mohicans. Ah bah il y a celui. Ah mais moi j'en ai loupé. C'est le seul qui veut pas me filer le décaps quoi. Ah ça veut dire que j'en ai loupé une au niveau de ma notation. En cuir pardon. Cuir. Non mais moi c'est bon. Ouais c'est toi, c'est ça. Et donc moi aussi j'ai une. C'est dégueulasse le truc. J'ai une Brewdog comme la mitocheux. Ah. Boum la duchesse qui perd. Hop là, mais je n'ai pas pris d'un coup la hardcore IP. La hardcore IP que j'ai déjà goûté. No comment. Mais j'ai pris une que mais les coups, c'est magnifique. Pas encore goûté, c'est-à-dire la Jack Hammer qui est une Worthless IPA. Oui, ça fait ça. Oh oui. Mm-hmm. Ah j'ai hâte de goûter, on va goûter parce que je sais pas combien de temps on est parti. Eh ça fait 20 minutes. Hein. On se raccourcit les gars, comme moi. 50, quoi. Ça coule bien. C'est joli. Et voilà, tu vois la. Ça fait plaisir à servir ça. Elle est beaucoup plus claire que la hardcore. Ouais. Hardcore. Ouais. Hardcore. Vraiment une très jolie couleur ça. Ouais. Ah celle-là là. Puis alors là, au nez. Tiens. Est-ce qu'on sent que c'est un japonais au nez? Ah, bien sûr. Tu peux sortir s'il te plaît? Tu l'as posé. Par devant, on te rejoint. Tu l'as dit la dernière fois. Oui, ben je te le redis. Je te le redis. Et donc, on se trinque ça tout de suite. Oh putain, mais oui. On va goûter. Ah, je fais avec mon joueur. Okay. Oh, okay. Je pense qu'on peut même faire un au milieu, bon. Tous à 5. Allez. Un gros gangbang. Campai. Campai. Campai. Tu as pas ni mon chaîne. J'ai failli me foutre de la bière. Tu m'as foutu de la bière. Ah ouais, bah, bah oui, t'en as foutu partout. Ah oui, putain, ça coule. Ça coule. Gandalf, sors de cette chambre. Ah moi c'est vineux là je suis. Bref. Ouais oui. Donc tu sens bien le citra en fait. Ah moi je suis vineux là. Oula. Ah je peux goûter ta vineuse. Vas-y. Tu sens un peu. Faut le sentir quand même. J'ai connu pire. Putain oui. Ah oui c'est. Je vois qu'on a des auditeurs qui disent. Elle est plus vinaire. Oui. Ah oui. Je pensais que c'était une IPA mais non en fait c'est juste une blanche mais t'as le houblon qui ressort vachement en fait. Mais non c'est dans la tête Evan. On va y aller jusqu'au bout. Ah oui, quelqu'un veut goûter la mienne, goûte la mienne. Enfin, ma bière. Hein. Moi, j'ai déjà goûté celle-là. Ah oui, putain. Celle-là en 50, tu l'as fait. Oh, putain, celle-là est bien. Ah, moi, je kiffe. Hein. C'est une blanche, mais ultra houblonnée, quoi. Moi, la mienne, elle est vineuse. Ouais, putain, c'est sympa, spécial. Ça. Moi, j'adore. Mais on dirait vraiment une duchesse de Bourgogne. Oui, mais qui est vraiment en. Mais c'est ça qui m'a conseillé. Quand j'ai dit que la duchesse de Bourgogne, j'avais beaucoup apprécié. C'est la mienne, celle-là? Non, c'est la hardcore. C'est laquelle, celle-là? Ça va être la c'est la. En fait, on va pas, non, mais pas dans le. Ça genre. Tourne tellement. Moi, bon, la mienne, elle est franchement, elle est. Et j'en reprendrai d'autres. Des boîtes. Ouais, ouais, elle est super, celle-là. Moi, j'adore. Ça, ça doit être à moi. Ça. Moi, j'adore. C'est la tienne, celle-là. Ouais, ça c'est doit être à moi. Ça, c'est à. Non, non, la mienne, elle est là. Je sais. J'ai l'impression d'avoir une Faro, en fait. Ouais, c'est à moi. Sur la sienne. Ouais. Ah, ça qui ça. Non, non, non. J'ai un goût sucré, quoi. Attends, on refait goûter. Mais ça tourne dans n'importe quoi l'histoire. Putain, je sais pas. J'ai la bière à jonjon d'un côté. C'est ça, c'est la mienne. Ouais. D'accord. Ok, impec. Celle-là, c'était laquelle? Donc, ça doit être la mienne. Ouais. Non. C'est la Mont-Salève oui. Blanche. Oui, c'est une blanche, je pense. C'est la Carlin Ambrée, c'est ça? Ouais. Je l'ai à la maison, je l'ai pas encore goûté, mais elle est bonne. Ouais. Bon, la mienne, c'est une vineuse, alors je vais essayer de revenir à la maison. Il y a la Jack Hammer, si vous voulez la goûter. T'as un truc en plus par rapport à la Faro, quand même, sur celle-là. Sur la vineuse. Mais il y a un côté sucré. Mais t'as un côté sucré, sucré ouais. Mais Pépé veut la référence de la bière blanche. La bière blanche, Mont-Salève blanche. On t'enverra l'ISBN. Mais poste-lui un tweet. Franchement, moi, les vineuses, j'adore. Je suis pas en état, ok. Oh putain. Je suis pas venu ici pour tweeter, ok. Bah ben, voilà, tu vois. Non, mais je te la fais. Je te fais ça pas tout de suite. Je te fais ça tout de suite. Allez, on va essayer d'enchaîner pour pas que ça dure 3 heures. On va passer. On est bien là. On est qu'à 19. On est qu'à 19 minutes, oh putain. Ah bah, ah, seulement. On peut durer alors. On s'ouvre une bouteille, on fait autre chose. Ah bah, ouais, on, putain, on a des 10 minutes à tuer pour la présentation. On n'avait pas un Nika ouvert. Elles sont bonnes, ces pistaches, franchement. Le Nika, il est ouvert. Le Nika, il est ouvert. Ah, et puis on a du Black Mountain aussi. On a, si vous voulez, on a une page 24 à 2 millions de. On a une demi-bouteille de page 24. Oh merde, j'ai un mumble qui s'est ouvert tout seul. Toi aussi, tu es tout seul. On a un Nika qui est à peine ouvert. Franchement, il n'y a pas grand chose qui a dû partir. À 60 balles. Oh, il est tranquille. Et donc, a... qu'est-ce qui peut être vénal, celui-là? Oh merde! C'est toi qui l'as apporté? Oui, par contre. Et bah, tu vas nous le présenter. Alors, tout à fait. Tout à l'heure, pour le. Bon, tout à l'heure. Pour ceux qui ont écouté le quoi qui se passe, on avait. Le mois dernier. Voilà, le mois. Il y a deux mois. Il y a trois mois. Ah, il y a trois mois, trois mois déjà. Oh putain, le temps passe vite. Mois, toi, c'est comme la dernière session d'enregistrement, il y a eu trois mois entre l'appel et pour dire que t'étais bien arrivé. Toujours en ton puceau. C'est impressionnant. Ouais, mais ça, c'est pas étonnant, par contre. Ça, par contre, c'est pas très étonnant. Je vous avais amené une bouteille de Cossenard, si ma mémoire est bonne, une version. Oui. La Stout. Et là, cette fois, je vous amène une bière qui sort vraiment de l'ordinaire. Donc, c'est une bière, c'est Le Beau Soleil, une hyper. Parce que moi, je kiffe les hyper. Faut vraiment le dire. Et c'est une bière artisanale de l'Aveyron et elle a le bon goût. D'être brassé par un apiculteur et il utilise du miel à la place du sucre et ça ne visiblement d'après ce que m'a dit le vendeur au magasin qui visiblement vu le peu de choses qu'il avait au magasin avait l'air d'être très calé on sent pas vraiment le goût de miel, on sent quand même une certaine rondeur dans la bière mais on sent pas le goût de miel genre t'as mis des édulcorants pour te faire croire qu'il y avait du miel mais en fait pas du tout. D'accord. Eh bien écoutez, on va se goûter ça et ça fait à peu près. Je sais. 5 degrés. Alors, oh bah écoute, on se goûte ça tout de suite. On se goûte ça tout de suite. Alors où est le. Il a goûté l'eau. La question était réglée avant que je me pose la question. Ah, c'était pour Pépé la bière blanche. J'ai notifié. Oula. Non, c'est bon, ça coule doucement. Non, c'est Pépé qui voulait connaître la référence. C'est ce que j'ai. Par contre, Pépé m'a fait passer un truc. Le Tipeee. Oui. Pensez à donner à notre Tipeee. Voilà. Ouais, vous aurez en exclusivité la chanson chantée vous aurez de la session 9. Enculeur. Que vous avez pu avoir un aperçu dans l'audiogramme du 9.3. Si c'est qu'un aperçu. Il existe une version longue de cet enregistrement. Après, plus long, il y en aura d'autres. Plus long. Oui, parce que l'audiogramme il fait une minute. Oui, il fait une. Alors, 57. L'enregistrement fait 2 minutes 30. 2 minutes, ouais. Toi, t'as l'air d'avoir d'être un soifard, toi. T'es au-dessus de la tablette, on va faire un petit on prend pas de risque, non. Merci, je pense pas. Vas-y, donne un petit coup, même s'il y a du vin un petit peu dedans. Non, ouais, c'est pas grave. Ah non, tu me mets pas du clopipo là-dedans. Hein. Oh, les Oh, là, on goûte. Hein. On va tout goûter, là. Ouais, il a trouvé la ref. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Eh, il y a une petite odeur, là. Et donc, ça sent bon. On a toujours une demi-bouteille de page 24, une demi-bouteille de clopipo, et on a un Nika, Nika. Ah non, mais c'est le coffee malt. Le coffee malt, il est. Qui nous attend. Ah, le coffee malt, tu te l'offres à Noël. Également. Elle a une bonne mousse, ce que tu nous as servi là. Ouais, mais je sais où il faut trouver, donc ça, c'est pas un problème. Ouais, enfin, c'est pas toi qui fais la mousse non plus. Tu parles de la mousse de baise ou. Oh là là. Ça, la mousse de baisse, c'est quand tu veux ou tu veux. Hein. Pas de problème. Dès que je suis bourré, moi je t'appelle direct mascretaire. Devant tout le monde. Déjà, ils pourraient me regarder dans le blanc du gland. Oh putain, t'appelleras ma secrétaire pour ça. Ah bon, ta secrétaire, elle fait du blanc du gland. Oui, je peux t'en trouver des tonnes. Hein. T'inquiète pas. Ah, mais moi, j'en trouve pas du tout. C'est le problème en fait. C'est parce qu'à mon avis, tu cherches mal. Je dois chercher très mal. Ça, je pense que c'est pas de problème. Du coup, on va passer à la suite. Ou on a encore des trucs à ouvrir, je sais pas. Va vomir, des trucs à ouvrir. Mais il reste un Black Mountain si vous voulez goûter. Revan, on peut l'ouvrir. Laisse-la aller vomir avant de l'ouvrir déjà. Oui, parce que je pense que Revan elle est dans le même état que nous. Et c'est pour ça que je l'ai dit. Je sais pas si Revan elle est pas un tout petit peu au level au-dessus, hein, quand même. Je pense qu'elle a pris de l'avance. Bon, dans le doute, on va avancer dans cette émission. Allez, avançons. Avec le dossier de Gandalf. Intitulé Joe Satriani ivre, auquel j'ai rajouté hashtag enculerie. Ah, mais non, mais y'a pas de quiz, hein, de toute façon personne connaît Joe Satriani. Alors. On sait jamais, dans le doute j'ai mis hashtag enculerie. Bla. Ok, donc du coup, jingle. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, c'est du coup, trou de balle ou pas trou de balle? Le monde se pose la question. Joseph Kani, chauve, chauve, grand chauve à col roulé, grand chauve à col roulé, bite, bite, enculerie, enculerie, bah c'est bon. Ça me fait penser à Zai, Zai, Zai, Zai. Non, non, pour moi c'est tout. J'ai pas tweeté à mes amis de Joseph Kani l'univers parce qu'ils auraient été très tristes. Revan a voulu couiller Joe. Et j'ai rien inventé, les gars. Tu peux balancer la sauce, hein, d'ailleurs. Je balance la sauce. Et couille Joe, Revan, tu vas voir, c'est bien. Oh merde. Alors là, on est parti avec un petit bed. Le petit bed, c'est Churching de 2004 sur l'album Is Where Love in Space, une de mes musiques favorites de Joe Satriani. Alors, Joe Satriani, je pense que certains le connaissent ici, peut-être. Yep. Il est spécialisé, donc c'est de la musique pour guitariste. C'est un guitare héros. Voilà, on peut l'appeler comme ça. Voilà. Donc, à noter que le marché de la guitare électrique, c'est absolument. Non, mais c'est vraiment pété la gueule. À tel point qu'on a fait une. Qu'on en a posé question à Eric Clapton. Ben Eric Clapton a dit non, mais quand même. Il y a quand même Pépé qui dit c'est de la branlette. Ah non, oh oh et c'est pas du shred. Non, hein. Ah, c'est pas du shred. Satriani, aujourd'hui, je le rejoins, c'est de la branlette. Ah non. Aujourd'hui, c'est de la branlette. Satriani, sur son deuxième album, c'est ce qu'il a révélé et c'est ce qui a révélé un petit peu le monde de la technique sur la guitare. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, on peut très bien ne pas être d'accord. Aujourd'hui, je rejoins Pépé, Satriani, c'est de la branlette. Oula, dis donc, on n'a pas écouté les mêmes albums. Mais j'ai écouté ce qui. J'ai balayé le panel. Ouais. Je me suis arrêté à ce qui me plaisait. Et ceux qui me plaisent le moins, c'est ceux qui sont les plus récents et qui sont vraiment hyper techniques et qui sont juste de la technique pour de la technique qui mélodiquement n'apporte rien. Mais voilà, c'est mon point de vue. Ah oui, non mais voilà. Justement, moi c'est les premiers albums. C'est celui que tu parles, du second. Le deuxième. Surfing with Gabian. Surfing, ouais, voilà. Qui est pour moi que de la technique pure. Je te laisse écouter celui que je suis en train de passer. Le bed. Tu verras, c'est pas que de la technique pure. À mon humble avis, un morceau de un quart d'heure, c'est pas que de la technique pure. Parce non, c'est ce que je te dis. Ouais. Un quart d'heure, c'est de la branlette. Ah non. Ah non, ah non. C'est du progressif. C'est du progressif. Ah non, non, mais non. C'est tellement non, progressif non. Qu'au bout d'un moment, ça devient chiant. Ah non, non, le progressif, c'est du progressif. Non. Là où il est très fort, Satriani, c'est quand il te fait des morceaux hyper techniques qui durent 2-3 minutes et qui apportent quelque chose à la musique. Là, sur son progressif, moi, quand j'écoute ça, ouais. Là, je peux l'écouter pendant 2 heures. Tu vois, j'ai écouté les podcasts toute la nuit, ça fait pareil. Ah oh. Et pourtant, tu devrais t'y intéresser. Mais je dis pas le contraire. Je demande. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Tocho qui. Enfin, il y a Pépé qui rejoint Tocho qui le rejoint. Ah oh bon, d'enculé. Ah bah voilà, t'as fait un gros pic de saturation dans le micro. Ouais. Ça m'a bien niqué l'oreille, surtout. C'est pas grave. Alors, je vais vous parler de Joseph Satriani parce que Joseph. Jo, c'est le métier de Joseph. Hein, et certains ne le savent pas, mais. Voilà. Il a commencé la musique très tôt, hein, par des cours de batterie, parce que bon. Ouais, comme le très tôt de France. Et très tôt, c'est là où tu mets des trucs pour mettre des faire des trucs. Bref. Ouais. Bah, les très tôt, c'est là où tu mets des planches dessus. Ouais, tu mets la table, quoi. Et voilà. Alors, il commence à faire la. Il s'intéresse un peu plus à la guitare à partir du 18 septembre 1970. Bizarrement, c'est le décès de quelqu'un. Ma belle-mère? Non? Non, ça aurait été festif, par contre, peut-être. Oh putain, l'enculé. Bah, tu l'as dit, je rebondis. Non, j'ai jamais dit que c'était festif. Ah ben moi, je rebondis, hein. Alors, je dis ce que je veux. C'est le décès d'un guitariste. Hein. C'est la décès, c'est ça? Ouais. Avec Captain Web, tout ça. Excuse-moi d'être bourré. Non. C'est le décès d'un guitariste un petit peu connu, quand même. Santana? Jimi Hendrix. Oui, j'arrive pas. Voilà, Jimi Hendrix, donc Watch Your Words, Watch Your Words. Ah non, ça c'est... Pépé l'avait, hein. Il a dit Hendrix. Ouais. Ah oui, voilà. J'arrivais pas à trouver son putain de nom quoi. Donc il s'est mis à partir de là. Et Joe Satriani visiblement avait des facilités au niveau de la guitare quand même, hein, parce que faut pas s'en cacher. Et il avait comme dans ses premiers élèves, il avait Steve Vai. Mais qui est Steve Vai? Aucune idée. Deep Purple? Non. Non. Steve Vai, ça a été à 16 ans, pour de vrai, le solo guitariste de Mick Jagger, Frank Zappa. Ah d'accord. Voilà, intéressant. Après, il a fait, pour digresser, il a, pris la, il a été le guitariste solo de David Lee Roth, donc le guitariste de l'ancien chanteur de Van Halen. Ah oui, ouais. De toute façon, on est dans la même veine là, du coup. Moins quand même, parce que... Ouais, enfin, ça se rejoint, c'est les influences qui se rejoignent. Il faut se le taper quand même, hein, Frank Zappa, hein. C'est quand même un sacré melting pot, hein. Ah ben oui. Joe Garage, ouais, se le taper. Moi j'adore, hein. My Guitar Wants to Kill Your Mama, j'adore. Mais alors, faut quand même se le taper. Ah, c'est après, très... Ah non, le droit d'aimer, de pas aimer, c'est... Ouais. C'est justement l'avantage d'une musique, c'est que ça tranche. Voilà. Alors, Joe Satriani, tu sais, il est un peu expérimenté, il est un peu allé à droite à gauche, il a fait un peu de la guitare au Japon, hein, par exemple, pour ne pas faire, pour plaire à mon ami. Alors Joe Satriani, il a eu quelques élèves entre temps, à part Steve Vai. Bon, Steve Vai, je pense que ça a été plus épisodique qu'autre chose, mais ils sont restés très amis, j'en reviens. Il a eu comme malheureux, oui, j'ai dit malheureux, il a eu comme malheureux élève Kirk Hammett, qui ne sait toujours pas jouer. Ah. Voilà. Bah, c'est, non, la c'est que la vérité. Non, mais pas vrai. C'est que la vérité. Donc Kirk Hammett de Mediocralita. Metallica, pardon. Je sais pas, je me trompe, je sais pas pourquoi. Donc, fais, à gaffe, savoir... fais gaffe, t'as la tête derrière toi. Donc Mediocralita, c'est ce groupe. C'est depuis, pas grave. Depuis la mort de son bassiste dans un accident de bus, ils sont devenus leur propre tribute band d'eux-mêmes. Ouais. Au point à jouer du Joe Dassin très récemment à Bercy. Personne n'est parfait. Personne ça n'est fait envie comme ça. Hein. Oui, là, après, du coup, il a aidé le guitariste de Primus, de tout ça, bon. De Testament. Bon, ça va, c'est tranquille. Bon, Testament, ça commence mais sauf que, Joe Satriani, quand même, arrive à un moment. D'ailleurs, j'ai ses premiers albums où il collabore avec d'autres artistes, tout ça, j'ai ça à la maison. Encore un collabo. Voilà. Ah, bravo. C'est bien toi, ça. Voilà, j'ai ça à la maison. Écoute, parfois, ça se laisse écouter, mais c'est pas ça. Sauf qu'à partir de 1980. Il décide d'enregistrer son propre album solo. Il y a marre de, voilà, de se faire chier pour les autres, autant se faire chier pour soi-même. Donc à partir de 1985, il décide d'enregistrer l'album Not of This Earth, donc le premier album. Ouais. Parce qu'après, on parlera du second album qui est devenu profondément, parce que j'aime parler profondément. Faut éponger, bande de salauds. Non, non, j'aime surtout la remarque de Raven qui est je vomis pas pour le moment. Allez, je t'ai fait une question. Par contre, ça va pas vomir. Le mes doigts va. Il y a Revan qui sait pas trop avec quoi éponger. Moi je pense que. Une bonne gorge Gandalf, profonde. Il a bien une idée, mais. Une bonne gorge profonde, ça te fait dégueuler direct. C'est pas gynéco, hein, c'est... Mais c'est rien ça. Ça va finir en consultation gynécologique l'histoire. Donc. Attends, j'appelle Diffoul et. Et Doc. Comment elle s'appelle Doc? Ah là, je suis pas assez bourré pour rigoler là. Il y en a pas un des deux qui est mort Je sais pas. Ah, si les deux pouvaient être morts, ça m'arrangerait. Mais je crois qu'il y en a un. Je sais plus. Allez, on digresse pas, on digresse, on digresse pas, on continue. Donc Joe Satriani, il est là, il est tranquille, il avait fait son premier groupe, hein. Tout ça, ça a pas trop marché, il a fait son premier album, bon, il en a chié comme un... Il a chié des ronds de chapeau, comme dirait l'expression, pour sortir son premier album, voilà. Du coup, il se décide quand même, il se dit, bon, quand même, on va essayer de faire un truc un peu plus touchy pour le second album. Donc, voilà. Le plus connu, qui a fait, je l'avais noté, 1 million d'exemplaires quand même aux États-Unis. Oui. Donc le Surfing with the Alien avec la pochette avec le surfeur d'argent dessiné par John Buscema. Non, John Buscema. Ouais. Ouais. Juste ça, hein, ça se pose là. Et juste quand tu écoutes la première chanson, tu comprends pourquoi c'est un des meilleurs albums. Voilà, avec Crushing Day par exemple, tout ça, j'y reviendrai légèrement après. Bon, Joe Satriani se pose là, tu vois. Sauf que après, Joe Satriani, il part en tournée avec. Comment il s'appelle, tu sais, c'est un artiste, c'est un chanteur pas très connu, il s'appelle Mick Jagger. Mmh. Ouais, c'est le mec, il était conteur, il racontait des histoires. Ouais, c'est ça. Non, conteur Jagger. Et puis il était là, puis tu sais, il. Ah si, il chante. Ouais, ouais. Ah putain, attends. Ouais, on n'entend pas parce qu'il y a de la musique quand même pas. Mais en fait, mais ça va, à mon avis, il doit être dans le. Et en plus, le gars, il chantait pour les pierres qui roulent, les pierres en train de rouler. Oui. Ah. Un groupe de merde, hein. Et en plus, il ramassait pas une plume et il ramassait pas de mousse. Ouais. Le gars n'avait que ça. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu pourras faire un combo. Ah, mais littéralement, on n'entendra pas avec la musique, donc. Non, c'est pas grave, tu feras ça au montage. C'est pas grave. Et je suis en train de me dire qu'on est déjà en train de passer Churchy qui fait 10 minutes. C'est l'apocalypse au podcast. Bon, il va avec Mick Jagger pour faire un peu la tournée japonaise, tout ça, parce que bon, le Japon, tout ça, hein, voilà. Et puis Joe Satriani, dans le doute, il sort un album, un petit EP, mais bon, bref. Il s'en branle un peu. Après, il se passe les années 70, hein. Je vous passe les détails. Une de ces musiques est utilisée pour une attraction chez Disneyland. J'y reviendrai après. Tout ça tranquille. Puis Joe Satriani, il est appelé par un groupe. Oh, ils ont perdu leur guitariste, écoute, c'est un groupe comme un autre, ça s'appelle Deep Purple. Petit groupe de merde, hein, comme un autre. Et puis Joe Satriani se dit, bon, bah, je vais les aider un peu pour leur tournée européenne. Bon, pourquoi pas pour leur tournée japonaise aussi. Bon, sauf que quand t'écoutes, déjà, il n'y a que des bootlegs. Déjà, pour écouter, c'est pas top. Et puis, bon, bref, ça fait plus Deep Purple avec Joe Satriani qu'autre chose. Donc, Deep Purple. De toute façon, Joe Satriani, il avait des contrats pour sortir d'autres albums. Il s'est pas emmerdé. D'ailleurs, cet album, c'est Joe Satriani, hein, pour pas s'emmerder sur le nom. Et dedans, il y a un certain batteur qui a fait la nouvelle star. Vous me dire le nom. Non. Un batteur qui a fait la nouvelle star, en tant que jury. Déjà, si tu me parles de nouvelle star, on va pas être d'accord. Manu Katché, ouais. La Mano Negra. Alors là, on a changé de musique. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, c'est Cool... Cool Number 9. Alors, Cool Number 9, c'est sur cet album, d'ailleurs, que je suis en train de parler. Donc, Joe Satriani, dans cet album orienté... Par contre, si tu pouvais éviter de mentionner la nouvelle star, ça m'arrangerait. Bah, non, mais on parle musique ou on parle pas musique? Manu Katché, c'est un bon musicien. Le supermarché, il est en bas de la rue. Manu Katché, quand le veut vivant, ça reste un très bon musicien. Ok, star. Il a vendu son si cul. Bah oui, mais c'est voilà. Prostitué, mais, bon. Mais si t'as pas regarde, je suis dans cette émission, je me prostitue aussi, hein. Si t'as pas de non, non, mais si t'as pas de conviction, tu fais pas ça. Voilà. Ah, là, on est d'accord. Voilà. Moi, ça marche pas. Voilà. Donc, il joue sur Cool numéro 9. Parce que... Free numéro 9. On traduit. Hein. Ici, on a une émission du bon goût. Sauf que Joe Satriani, il en a un peu marre. Bon goût, bah oui. À partir de 1996, il décide de faire le G3. Alors, c'est comme, pas comme le G9. Ou le, avec, mais divisé par 3. Ouais. Donc, en fait, il appelle des guitaristes, pas connus, hein, il appelle juste Steve Vai, on connaît pas, hein, et Vai, Eric Johnson. Vai, alors, ça peut être Eric Johnson, vous connaissez pas. Non. C'est un excellent non, guitariste américain. Qui est très spécialisé dans le blues. Là, il a pris une petite jeunesse sous son aile qui est vraiment. Intéressant. Et après il a continué ce truc avec par exemple Kenny Wayne Shepherd, Michael Schenker, oui. Bon Michael Schenker, Scorpion, Holly John Ross, Scorpion, Robert Fripp, ça Robert Fripp c'est comment ça s'appelle, j'ai plus le nom, j'ai plus le nom, c'est un groupe de progressif très connu aussi, c'est Arcaï, non, j'ai plus le nom, ça me reviendra, c'est pas grave. Winil Malmsteen, alors il y a un nom de pastis, hein, je suis désolé, hein, le gars. Winil Malmsteen, il joue du néo metal, donc tout s'excuse. Hein. Et après, on a par exemple John Petrucci. John Petrucci, hein, Dream Theater par exemple, hein, juste pour le citer. Hein. Oui, alors, juste un groupe où les gars, la branlette. A noter qu'en termes de groupe de branlette, je suis tombé sur le dernier album de Dragon Force. Ça se pose là en termes de branlette. Rien que la typo et la. Non, rien que la typo et la truc de l'album, déjà tu te dis putain ça va être du métal de merde. Mais Jim Petrucci il est pas batteur dans un autre groupe là qui non, John qui envoie non, un non, petit tu, tu confonds avec Mike. Non. Ah non mais John Petrucci c'est le guitariste hein. Non, le batteur de Dream Theater. Sont quand même, c'est pas bon. Ah mais il a fait que le seul album solo. T'as parlé du batteur de Dream Theater. Ah j'ai dû me tromper encore. Parce que je suis trop t'écouteras The Winery Dogs avec Oblivion et tu vas voir que les mecs... Non mais tu parles de My Portnoy. Donc t'as répété sur le chat qu'il y a un autre... Ah mais Dragon Force c'est de la turbo morlette. Ah mais Dragon Force c'est de la turbo morlette. C'est méchant hein. Non mais Dragon Force c'est de la merde hein. Pour moi c'est de la merde. C'est tellement vrai en plus. Mais à travers du feu et des flammes Ah non mais pour moi c'est... Guitar Hero 3 quoi. Franchement j'ai vu la jaquette du dernier album, je me suis dit même pour rigoler je le ferai pas. C'est-à-dire que ça faisait tellement cliché. Là, avec la typo de ces métal, tu sais. Avec la jaquette avec un monstre qui va te mordre. Non mais. Métal, mais je suis métal. Enfin, la merde. Pire que David Hasselhoff qui chante pour Kung Fury ou... Oui, à pire. Ah ouais. C'est-à-dire que les gars étaient même pas conscients de leur délire méta. David Hasselhoff qui chante pour Kung Fury. C'est méta. C'est drôle. Ouais, enfin, ouais, que... Oui, voilà, ouais. Comme quand il joue dans Sharknado. Oui. Bah, tu sais que c'est pour le lol quoi. Après, ouais, mais alors dans Dragon Force ils sont obligés d'être. Faites coucou à Revan, je pense qu'elle est partie là. Ah bon, elle est partie? Non, elle est pas partie. Elle se demandait où était partie. Où était passée sa pote Lily. C'est de la merde. Ah oui, c'est sur Lily est partie. Ah d'accord. C'est vraiment pas terrible. Bah, Après, bon, de temps en temps, il y avait des trous dans leur date, alors bon. Ils ont appelé par exemple Ryan May. Ouais, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Ils avaient un train à prendre. Ils ont appelé Billy Gibbons. Aussi. Voilà, tant qu'à faire, le guitariste de ZZ Top, par exemple. Steve Morse, le guitariste de Dixie Dread et de, le dernier guitariste de Deep Purple. Je vous laisse écouter The Dressed Guitar. Ça se pose là. Ça fait un peu trop moche. Bon, là, je le mange, mais c'est pas grave. Joe Satriani, il en a marre. Alors, Joe Satriani, il a les cheveux jusqu'au futal. Hein. Il a les cheveux jusqu'au futal. Puis là, Joe Satriani, il se dit, allez, il y en a marre. Il y en a plein le cul de ces conneries. On rase tout. On rase tout. On se met des lunettes de soleil, genre, on est moderne. Et on sort The Crystal Planet Con. Putain. Et là, bon, petit succès quand même, parce que bon, il est bien. Et c'est à cette époque qu'il décide de... J'en reparlerai après, mais vous verrez que son fils lui a donné un nom chelou, surtout en français. Bon, Joe Satriani, il continue à pivoter un peu, parce que bon, voilà, c'est un artiste comme un autre, il décide à pivoter, il pivote. Bon, vote. Il vote. Voilà. Ça continue. On peut noter quand même, surtout, parce qu'après j'ai la listing de tous les albums, donc je reviendrai un peu plus tard. On peut noter que vers les années 2010, il prend quand même un peu d'initiative, il décide de faire partie d'un groupe. Alors, dedans, il y a Sammy Hagar. Il y a Pierre. Et il y a Mike Anthony, pareil. Connu Pierre quand même comme batteur, hein, comme bassiste, pardon. Et il y a Chad Smith aussi. Pierre comme bassiste. Alors, comme batteur, pardon. Autant de Chad Smith, ça va. Mike Anthony, c'était quoi déjà? Mike Anthony, c'est comme Sammy Hagar. C'est Van Halen. Ah oui, putain. Puis Chad Smith, c'est juste des poivrons rouges un peu piquants. Hein. Ouais, d'accord. Voilà. Ah, c'est bien ça. Et j'y reviendrai un peu après sur son nom, vous verrez. Donc bon. Ah, alors là, oh, j'ai putain, ça, oui. Cette musique de fond là me plaît bien. C'est Memories de Not of This Year. Premier album de Joe Satriani, magnifique. Premier album d'ailleurs. Il y a des trucs un peu dégueulasses quand même dedans. Pas... Bon, après. On est à combien? Pas trop. Mais on s'en branle, putain, on est bien là. On est bien là. Oh, non, mais toujours, hein. Toi, il y a que lui qui regarde le compteur. Mais oui, temps. Mais de toute façon, c'est un maniaque du compteur. Tiens, moi ça dure. déjà, t'as pas l'habitude. Ça t'arrive pour que ça dure. Bah oui, j'ai pas l'habitude que ça dépasse 10 secondes. T'as déjà même pas l'habitude que ça commence. Ouais, déjà. Alors, après, je vais vous citer, comme mon ami Azartov, je vais vous citer Wikipédia. Hein. Joe Satriani est généralement considéré comme un guitariste et les plus respectés et les plus techniquement accomplis de sa génération. Donc, rappel. Il est décrit dans le dictionnaire du rock comme l'un des techniciens les plus novateurs de la guitare électrique. Particulièrement apprécié dans les apprécié des guitaristes professionnels ou qui aspirent à le devenir. C'est-à-dire qu'ils sucent d'autres guitaristes. Non. Bah si, ils aspirent. Non. Bah si. Là, il y a les méduses, et là, il y a Satriani. Voilà. Ah oui, c'est pas ma faute. Hein. Après, tu aimes ou tu aimes pas, mais il faut reconnaître que techniquement, ce mec-là, c'est une pointure. Mais que sa musique, bien que respectablement exécutée et sincère, n'est pourtant pas sans facilité lisse jusqu'à être impersonnelle. Et ça, c'est vrai. Dans le livre des 1000 guitaristes les plus connus, hein, parce qu'on savait pas quoi foutre, alors on a mis des noms, on a fait des noms. Hein, ouais. Il est décrit comme un technicien hors pair et une aptitude à découvrir l'éventail du rock avec toute une nuance, souvent avec des résultats spectaculaires. Un peu plus. Malgré un besoin non déguisé d'illustrer ses prouesses techniques au détriment de la technique de son de la qualité de son répertoire ou de l'engagement émotionnel, ce qui est très faux d'ailleurs par rapport à certains, je trouve. Il est l'un des guitaristes rock les plus accomplis de sa génération. L'album Surfing with the Alien demeurant son tour de force. C'est moi, c'est le plus connu. Un million de trucs. Bah, c'est celui qui l'a révélé. Non, mais clairement. Hein. Satriani maîtrise toutes les techniques du jeu. Pour guitariste, de loin, du legato, dont le legato c'est que tu tapes là, tu sais, pour la manche là, tu fais des trucs, c'est pas comme qu'on a vu lors du concert de rentrée. Il y a un mec qui faisait du tapping. Legato. Legato, c'est très bon. Au tapping, bon, le tapping c'est plutôt ça, mais enfin, c'est un peu. Il parle le sweeping, les harmoniques, bon, soit les harmoniques c'est pour les sacs, hein. Et l'utilisation du vibrato. C'est extrémiste. Bah ça c'est vrai, hein, les harmoniques c'est pour les sacs. Hein. En fait, il n'y a pas de hasard, hein. Quand tu fais des chroniques sur les nazis, ça remet au galop. Il est sous... Alors, ça c'est encore plus drôle, il fait souvent référence à la science-fiction dans les titres de ses morceaux. Ainsi, Surfing with the Alien, Back to Shambhala, il y en a qui tiquent pas, mais bon, bref. And the Power of Cosmic 2000, je vais pas le dire en anglais, mais bon, je suis trop bourré pour le dire, fait référence au... Il est sur son surf. Surfer d'argent. Voilà. De Mobius. C'est vrai que... On est à deux doigts quand même. Hashtag blague de nazi. Ice Nine. Je crois que ça fait depuis le premier épisode que je fais la blague. Ice Nine. Ice Nine. Classe 9. 9, 9. Oui, d'accord. Okay. Romain, le berceau du chat. Là, c'est connu. Et Borg, sexe. Borg. Sexe. Borg. Bien de Borg. Borg, non. Mais les Borg. Mais d'où la famille de comédiens des non. acteurs qui font les Borg. Les Borg, putain, mais Star Trek. Ah oui, non. Ah non, mais non. Non. Putain, non. Mais vous Star Trek. Moi, Star Trek, je suis passé à côté. Ah oui, non, mais les Borg, c'est Star Trek, ça. Mon coco. Non, je suis passé à côté. Ouais, complètement. Bon, après, il est bien classé dans les guitaristes, hein, pour le même temps, c'est pas un manche, hein. Bref, belle de merde. Manche, guitariste, vous l'avez? Bah moi je l'ai, mais lui tout ce qu'il a c'est une feuille. Hein. Lui il a pas de manche, hein, il a qu'une feuille. Hein. Je connais tous les albums par cœur, on va voir. Ah non, mais non. Donc en 1986, on a Not of the Surf, 39 minutes. Alors qu'est-ce que je noterai comme morceau intéressant là-dessus? Je noterai Not of the Surf, qui est vraiment pas mal. The Snake, c'est pas terrible. Rubina, le nom de sa femme. Vous allez voir chez Satriani, on a des noms de famille, hein. Mais on a des prénoms un peu chelous. Non, Rubina, c'est le nom de sa femme, donc il a fait une musique dessus, hein, donc à faire entendre pas s'emmerder. Mémorise, qu'on a écouté tout à l'heure. Là, on est en train d'écouter quoi? Je sais pas, mais c'est chiant. Si c'était pas bon techniquement, ce serait c'est vraiment casse-cou. C'est Cool New Way sur l'album Super Colossal. Super Colossal, donc de 2006. Mais non, mais au bout d'un moment, la musique, c'est peut-être chiant, mais... Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, cette musique-là, tu l'écoutes, elle passe en fond, tu discutes avec quelqu'un, tu fais pas attention. Ah oui, mais c'est bien. Eh ben, le problème, c'est que justement, tu fais pas attention. Ouais. C'est de la musique de Barb Lange. Non, mais ouais, oui, mais c'est... moi, c'est pas ce que je cherche. C'est vrai que Satriani, souvent, il se. Autant, tu vois, on parlait du deuxième album, Surfing with Alien, qui est très très bien et qui suscite de l'émotion parce qu'il y a du rythme, il y a du peps et puis. Mais au contraire, il y a toujours du mouvement. Et celui-là, là. Moi, j'y trouve tout l'inverse. Mais il est trop. Il est bien, techniquement, il est peut-être très bien, mais il est trop passe-partout. Ah, moi je trouve que le 2 j'aime pas. Moi je trouve que le 2 c'est pas que j'aime pas. C'est que je me dis que c'est pompeux pour rien. Tu me le sors, je vais peut-être reconnaître le style parce que ouais, c'est péchu techniquement, tu vois, t'as des notes qu'il faut aller chercher, des enchaînements. Mais la succession et le rythme, tu me le mets pendant 5 minutes, au bout d'un moment je l'oublie et du coup je me dis bah c'est je suis passé à travers comme si c'était rien passé. Bah, par exemple, on va en parler, hein. On a bah, juste après, en 1987, donc sorti une vidéo, donc c'est son album le plus connu, 1 million d'exemplaires rien qu'aux États-Unis, 38 minutes, qui est sorti en 1987. 37-53. La pochette, c'est même pas, c'est dessiné par John Byrne, je me suis trompé. C'est pas John Buscema. La pochette. Ouais. Encore mieux, hein, John Byrne, ça se pose là. Hein. C'est John. Ouais, John Byrne. Bon, je vous parle même pas des morceaux, Race Billy, Ozzy View, Crushing Day, Stash Boogie, tout ça, parce que son surnom c'est Stash. Parce qu'en fait, il est très poli. Donc, c'est le Sasquatch. Alors, donc, le Sasquatch, normalement, c'est le. C'est au Canada. Bigfoot, hein. C'est le Bigfoot, mais au Canada. Oui, ben, il est poli. Hein. Après, lui, il est de l'état de New York. Donc, c'est un peu. Ouais, c'est pas le Canada non plus. Ah, ben, t'es quand même plus près que si t'étais au Texas, ça. C'est pas faux, mais c'est quand t'es quand même plus près que la Californie aussi. Voilà. Si tu vas par là. Bah, écoute, c'est ça, ce soir. Arrête, tu vas prendre une claque dans la gueule. Oh putain! Après, il a sorti un EP de sac, hein, parce que c'est Dreaming number 11, avec un seul morceau. A noter que, du coup, comme il y avait un seul morceau, c'est beaucoup mieux que certains artistes. Hein, c'est The Crush of Love. C'est beaucoup mieux que certains artistes réunis quand ils font des albums. Mais pour de vrai, en plus. The Crush of Love est un meilleur. Mais tu parles de qui quand tu fais cette allusion? Ah non, mais il y a, je sais pas, d'Anochim, tout ça. Enfin, tu peux mettre des albums d'affilée, c'est bien plus merdique que ça avec un seul morceau. Mais attends, tu vas pas comparer Indochine. Ah non, mais il y en a plein d'artistes, hein. Ah, mais non, mais tu me fais. Moi, je te dis Sabaton. D'accord, ok. Voilà, des groupes de merde. Je sais que Milou il va être chez lui fâché. Oh là là, moi j'écoute Sabaton. Mais Sabaton c'est de la merde. Sabaton c'est du Milou. Si tu veux avoir la réponse, tu viens quand tu veux. Ça y est, j'ai réveillé le Gandalf qui était en lui là. Il commençait à dormir. Sabaton c'est de la merde. Voilà, Sabaton c'est du revival. C'est du revival mal joué, c'est de la merde. Autant écouter du T-Rex ou je sais pas quoi, c'est beaucoup mieux. Voilà, autant écouter des gens qui faisaient de la musique pour faire de la musique. Pas « Oui, alors je vais me mettre des trucs en cuir sur moi, et après on fera de la musique, comme ça ce sera moderne. » Non, on a rien à foutre de ça. En plus les gars, ils vendent des albums en forme de tank, qu'est-ce qu'on en a à branler? Hein? À 180 euros. Ces types, c'est des manches. Et le guitariste, il sait pas jouer. Le bassiste, il a... Parce que déjà que Satriani, le bassiste... Parce que Surfing with the Alien, le bassiste, autant dire, il s'emmerdait pas des masses. Hein. C'est pour ça que Joe Satriani, les premiers morceaux, les premiers j'ai du mal. Parce que le bassiste, hein, le batteur... Je t'en fous, c'est pas le batteur qui fait l'album. Toi, quand j'écoute ça, au niveau de la partie... Sérieux, aujourd'hui, ceux qui vont écouter le deuxième album de Satriani, tu crois que c'est pour le batteur ou le bassiste? Ouais, mais ils ont pas de goût. Mais ceux qui fassent. Hein? Ils ont des goûts de merde. Ils écoutent du Coldplay, cette bande de PD. Hein? Et c'est pour ça qu'en 2004, Joe Satriani, il a été plagié. Par Coldplay, faire Viva la Vida, de la merde! C'est bon, on a perdu. Putain! Tu aurais pu faire de la gueule. Donc, du coup, le dossier, non. Le truc d'après, c'est. Mais c'est pas ma faute si les gens ils ont pas de goût! Ils écoutent pas de la bonne musique! Ils écoutent là, oui, Doshin, moi je vis ma vie, je suis gentil. C'est bien! Mais c'est de la merde! C'est bon, on l'a perdu. Les gars, genre, il ferait mieux d'écouter du Yes, du je sais pas, moi, de la vraie musique. Ah mais Yes c'est vachement bien. Non. Écoute Earth of the Sunrise. Le mec il vient de tuer 10 minutes Starship de Trooper. Écoute Starship Trooper. Après tu reviendras. Écoute la partition de base, déjà tu verras. Ah les gars ils ont quand même un peu bossé. Bon après c'est pompeux. On peut pas l'enlever. C'est du progressif, ouais, c'est pompeux. C'est... Ouais. Voilà. C'est pompeux. Non, c'est pas de la musique pour. Il y en a pas mal, oui, hein. Dans le progressif des mecs pompeux, il y en a quelques-uns. Ah non, mais Steven Wilson est pompeux. Mais j'en prends pour principe que le dernier Steven Wilson. Vous connaissez Steven Wilson? Non. Porcupine Tree. Enfin, de nom, ça ne marche pas. Porcupine Tree, voilà. Il a sorti un album, il s'est dit, bon, mon père écoutait du progressif, ma mère écoutait du Diana Ross, tout ça. Il s'est dit, cette fois, je vais prendre un album pop. Il s'est fait démonter la gueule. Parce qu'il a pris une orientation pop. Déjà, il y a des gens qui n'ont pas écouté parce que c'est de la pop, c'est de la merde. Tu l'écoutes, l'album, moi je l'écoute. Ça, c'est les gens qui ont les a priori. Voilà, moi je l'écoute, je suis, mais... estomaqué devant la qualité de cet album, parce que déjà d'une il connaît pas le ou très peu le comment ça s'appelle le l'augmenteur dynamique, j'ai pas le nom, tu sais quand tu comme Metallica, tu sais quand tu fais des albums de ça où tu dis ouh je veux que le son soit très fort et que tu mets le la compression dynamique, voilà, tu sais ce truc de merde qui sert à rien, bah lui il en a pas mis déjà parce qu'il s'est dit les gens ils ont un vrai casque audio, ils ont une vraie oreille musicale, voilà. Ils sont pas, c'est pas des vieux sacs de merde comme Metallica avec Death Magnetic, ouais, vous l'avez, que les gens ont défendu. Ah, mais c'est là, non, mais Death Magnetic, c'est de la merde. Toi, quand tu fais du clivage, tu fais pas semblant. Hein. Ah non, mais Death Magnetic, pour moi, c'est des gars, ils sont allés voir l'ingénieur son. Non, mais je respecte. Hein. Mais l'ingénieur son, il sert à rien pour moi. Il sert à rien. Il est là. Faut que je fasse quoi? Tu mets le son très fort si tu veux. On t'oblige. Bon, d'accord. Il a fait. Compression dynamique, le son était très fort, tout le monde était... T'aurais écouté ça sur la même enceinte, ouais. Au fond du jardin, c'était pareil. Après, si tu veux faire un truc très fort, dans le but comme ça, et puis pour moi, Metallica, c'est devenu, Lynn Rin Skynbrid, c'est devenu un tribute band de même. C'est-à-dire que les gars jouent leur même musique comme ils... Joe Satriani a le même défaut d'ailleurs. Là, ils jouent ces certaines vieilles musiques, des fois je me dis, quel est le but? Le gars a 30 ans de carrière derrière, à quoi ça sert de jouer les mêmes musiques tout pareil comme avant? Parce que, là, faut pas bruxeller, faut pas... Bah, tu comprends la réflexion de Pépé maintenant. J'ai pas vu. La réflexion qu'il a fait au début, où il a dit que c'était de la turbo branlette. Ah oui, il non, a pas évolué, ça, et c'est là où je le rejoins. Ah non, mais, oui, mais alors là, si tu écoutes ses derniers albums en live, mais tu deviens fou. Enfin, mais le problème, c'est ça, c'est que sur ses morceaux classiques, il a... À mon humble avis, il a pas eu assez de recul pour. Parce que si tu veux, il est comme. Comme Deep Purple aurait pu l'être à une époque, tu vois. Deep Purple, c'était là. Oui, bon, Smoke on the Water, on va le jouer pareil. Alors que maintenant, des fois, de temps en temps, Smoke on the Water, il a joué version jazz. Ouais. Les gens, ils sont là. Mais c'est pas ce qu'on voulait. Parce que ça surprend. Si, parce qu'en même temps, le jazz se développe vachement. Bah oui. Ça marche. Marcus Miller, tout ça, moi je kiffe. Marcus Miller, pour moi, c'est une référence. Très clairement. Voilà, je pose ça là. C'est comme ça les gens pourront poser ce que j'écoute. Après, voilà, Deep Purple a su, parce que Richie Blackmore était parti, il faisait du baroque. Ils ont su évoluer. Voilà, ils se sont dit, on va prendre Steve Morse et on va partir vers d'autres latitudes et on va pouvoir jongler. Voilà, parce que faire Smoke on the Water comme on jouait Smoke on the Water sur l'album Machinette, ça sert à rien. Tu sors l'album Machinette, tu l'écoutes à la rigueur. Non, ça, à le voir. Ils ont fait ce qu'a fait les gens. Ouais, mais pour moi, c'est le même problème qu'avec une adaptation de film Marvel. Si tu veux voir tout pareil que dans le comics, et ben tu lis le comics et tu fais pas chier. Voilà. Pour moi, la musique, elle doit être un peu. Ce côté un peu touchy. Je suis pas sûr que comparé avec des films, ce soit une bonne idée. Ah non, mais pour moi, c'est le même problème. C'est le problème d'une adaptation. Au bout d'un moment, moi, c'est pareil. C'est peut-être un peu touchy ma réflexion, mais quand je fais des sites internet. Je fais des sites internet, de temps en temps j'y reviens. Toi, faut que je corrige un bug ou je sais pas quoi. Il y a ce côté entre la rédaction d'un truc et c'est semi-artistique et semi-technique. Tu vois, t'es entre un cul, entre deux chaises. Et de temps en temps, je me dis putain, mais quelle branque que j'ai été. Tu vois, et le truc, je le verrai différemment. Et moi, si c'est pour jouer la vieille musique comme avant, pour faire plaisir aux trois clampins qui viennent, là, qu'on paye 90€ leur place, là, c'est content, je suis allé voir Chou Saté Ami, je suis heureux, c'est trop bien. Oh oui, ça fait longtemps que je voulais le voir. Mais je sais pas, il faut qu'aller voir le gars qui joue Super Temple, mais c'est pas Super Temple, là, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, ce sac là. Ça mouille fort. Non, l'autre. Si, Super Temple, ça mouille fort. Oui, mais je parle de l'autre, le chanteur. J'ai plus le nom là, mais qui fait payer les places à 90€, comme le faisait payer ses places Leonard Cohen à l'époque où il est revenu de cure de Desintox, là, faisait payer ses places 90€ dans un zénith, là, tout le monde allait le voir. Oui, c'est lui qui avait chanté Alléluia le premier, alors tu comprends quand même. Non, moi merde, bon, c'est pareil, quand Joe Satriani passe à Toulouse à 90€, j'y vais pas. J'ai beau l'aimer à un point incommensurable, 90€ pour voir un gars qui joue de la guitare, non. Voilà, c'est méga top. C'est quoi qui te gêne ? Bah 90€ quoi ! Ah ouais, non, ça c'est pas. Ça c'est pas un argument. Ouais, tu mets 90€ pour aller voir Rage Against the Machine. Ouais, bon, au bout d'un moment t'as de la scénographie quoi. Ouais, enfin, ouais. Tu vois ce que je veux dire, au bout d'un moment. Non, moi j'essaie juste de comprendre. Je suis pas dans le déni, mais pourquoi Satriani tu mettrais pas 90€ alors, pour le tu voir. Les mettrais peut-être pour ça vaut. Alors. Ah non, On va inverser le problème. Satriani pour toi ça vaut combien ? Non, Satriani pourquoi en concert ça vaut combien ? Non mais c'est il y a pas de provocation, c'est juste non, pour non, savoir. Non, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Pour moi 75€ pour être devant à Carré Or pour se faire un petit peu enculer, ça suffit. Et qu'est-ce que tu mets là dedans alors? Mais t'es devant. Voilà, t'es vraiment okay, t'es devant. Donc tu te fais enculer quand même puisque t'es devant. Voilà. T'as quand même une bonne qualité d'écoute. T'es... Devant, c'est pas la meilleure qualité d'écoute. Ah non, mais on est clair là-dessus. Après, je te parle d'un concert où t'es un peu assis, t'es un peu pépère, parce qu'on est dans des salles un peu. Mmh. Tu sais, on est des UP, on est des Paris Hugo, tu sais, on est un peu. Voilà quoi, tu vois. On va voir Roger Hodgson à 120€, on est au fond de la salle, mais c'est pas grave. Hein. Tu sais, il a joué Super Trump, c'est pas grave. Tu vois. Putain, il tient super bien quand même. Ouais. Non, mais le pire, c'est que quand je critique Joe Satriani pour ça, c'est. En fait, je critique aussi cette. Ce truc galopant comme quoi les places de concert faut que ce soit cher parce que moi j'écoute Joe Bonamassa à mort. Joe Bonamassa c'est pareil, il est devenu hypé pour aller le voir à Toulouse, je l'ai vu en première partie, là on est sur One Big Rush de sur l'album Flying in the Blue Dream, oui ouais. À une époque moi je suis allé voir Joe Bonamassa première partie de ZZ Top, j'ai payé 45 balles 40 payé quoi 2009, en moitié. Ouais, ça va. Maintenant, tu vas aller le voir au Zénith de Toulouse, c'est 45€, t'es au fond du Zénith, et je peux te dire que la qualité sonore, je dis pas que tu dégueules, mais t'es pas bon. Franchement. Il y a des gens dont c'est le rêve. Ah oui, non, mais les gens veulent faire. Les gens, non, je n'empêche pas aux gens de se faire pigeonner. Ah. Non, mais c'est vrai! Non, non. Faut pas se mentir, d'accord. C'est ton point de vue et je suis d'accord. Non, mais si les gens veulent se faire pigeonner. Il y a des gens qui auront peut-être que cette occasion. Oui, non, mais au moins cette occasion. Et là où c'est pire, c'est qu'ils savent peut-être qu'ils se font pigeonner, mais ils savent peut-être qu'ils auront que cette occasion d'aller. Non, mais au bout d'un moment, moi j'ai t'imagines loupé. T'imagines le contexte? Non, non, je prends ton point de vue. Alors pourquoi j'ai loupé. Oh, je suis déçu. J'ai loupé Pink Floyd en 1973 à Toulouse. J'étais pas né. Je suis ton point de vue, ça coûtait 3 balles à l'époque. Non. Non mais, non, réponds. Bah oui, mais partant du principe. Réponds. Partant du principe. Bordel de merde. Partant du principe. Arrête, tu satures. Partant du principe que t'es conscient et que t'es capable de faire. Voilà. Au bout d'un moment, faut arrêter de dédouaner les gens. Oui, ils ont 125 euros à mettre de... Ah non, je dédouane pas les gens comme ça. C'est pas grave. Non. Je les dédouane pas. Pour moi, un concert, pour moi, c'est comme... Il y a peut-être, pour moi, un juste milieu entre d'autres. On a parlé dans le qui se passe, hashtag on fait de la pub. Tu sais, le concert où tu vas vraiment pour 5 balles, écoute, et puis voilà. Et puis le, oula, c'est hypé quand même, le gars il est connu, on va mettre 120 balles. Non, pour moi, quand tu mets 140 euros pour aller voir Leonard Cohen, c'est un petit peu de l'arnaque. Parce que le gars il est sur le retour, ok, il a fait Alléluia, ok, il a fait des très bonnes musiques, ok, Roger Hodgson il a fait des très bonnes musiques, il a fait, mais il n'a pas les droits sur Supertramp. Okay. Maintenant, dans quoi tu mets 140 euros? Voilà. Après, non, si, non. Déjà, si les Toulousains. Bah, non, mais moi je les mets pas. Non. Moi je les mets sur je pas Leonard pas. Cohen. Enfin, j'aurais les moyens, je les mettrais pas. Regarde, les gens mettent 140 euros de chez Leonard Cohen. Ouais. Tu dis. Toi, tu les mets pas. C'est provocateur à fond, c'est une question à fond. Dans quoi tu mets 140 euros? Qu'est-ce qui justifie 140 euros chez toi aujourd'hui? Indépendamment de la musique, indépendamment du domaine. Bon, non, mais moi déjà 140 euros pour que je les sorte, c'est compliqué. Non, mais. Franchement. Non, mais. Qu'est-ce qui pourrait mériter. Regarde. Hop. Il y a une fée qui est apparue. Pim. Tout est possible. Aujourd'hui, t'as 140 euros. Dans quoi tu les mets? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Franchement, non. Moi, j'avais l'argent. Je suis Tu as une fée. Tu as 140 euros. Tu peux les mettre où tu veux. Où est-ce que tu les mets? Dans quoi tu les mets? Moi, je ne mettrai jamais 140 euros dans n'importe quoi. Parce que. Tu as 140 euros à dépenser. Dans quoi tu les mets? Moi. Si j'avais 140 euros, je les mettais dans un truc que j'utilise au quotidien. Voilà, président. Une poupée gonflable. Oui, voilà. Non, sérieusement. Tu vois où je m'en viens. Oui. C'est que eux, c'est leur point de vue. Tu peux pas juger. Mais je peux tu pas as le droit de donner ton avis. Si les riches mais par ont contre, être leur super directif comme ça, comme tu le fais, je trouve que. T'as pas besoin d'être riche. C'est quand même super dur. 140 euros, si j'aurais 100. Vraiment, franchement. Mais quand tu les as, c'est toujours pareil. Mais quand tu les as, c'est pareil. C'est pas parce que tu as 140 euros que t'as, on a forcément 4500 derrière sur ton compte. Peut-être que tu t'es privé 3 mois pour mettre ces 140 euros là pour y aller. Parce que tu veux voir ce putain de concert. Oui, ouais. Bon, au bout d'un moment, il faut aussi falloir réfléchir par rapport à l'artiste aussi. Il va falloir se dire aussi. Parce que l'amour est aveugle. Quand je vous dis ça, l'amour est aveugle et le mariage rend la vue. Le mec, une fois qu'il a payé ses 140 euros, peut-être qu'il se dit oh, enculé, si j'avais vu. Non, mais quand je vous dis ça, il y a 3 fois plus de dates en Allemagne et en Belgique. Et c'est bien moins cher. Ouais, mais enfin, bon, tu parles de Belgique. Tu parles de la Belgique. L'Allemagne, que je sache, quand j'y vais, c'est pas la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les gars, ils sont pas là. Argent, monsieur. Non. Angela Merkel, elle a su. Voilà. Elle a quand même de quoi faire. Je suis d'accord. Voilà. Non. Quand je vois que c'est les concerts de Deep Purple, 120 euros au Japon. Les concerts là-bas au Japon, c'est hyper cher. Et que chez nous, c'est aussi cher presque quasiment à l'Olympia. De moment, j'ai bien envie de vous, comme vous, de dire oui, peut-être que. Non. On est des sacs. Un peu quand même. Je sais pas. Honnêtement, tu vois, je sais pas. Moi, je respecte quelqu'un parce que il. Tu vois, je préfère. Après, quelqu'un qui veut se faire plaisir. Tu vois, on est. Un mec qui va économiser 4 ou 5 mois, qui va se dire je me paye ma place et puis. On est sur ce truc tendancieux, le gars qui a envie d'aller voir ACDC. Le gars qui a envie d'aller voir. Tu commences à parler de ACDC déjà, on va pas être objectif. Ah, mais Rolling Stone. Ah, non, mais les ACDC, c'est les gars qui sont revenus pour. Qu'ils avaient vu le moyen de se faire des ronds. Pas se mentir. Hein. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont les moyens de se faire des ronds. Mais oui, en plus. La CDC remonte sur scène. Voilà, c'est ça le problème aussi. Mais après, c'est une question de goût, c'est toujours pareil. Là, tu vois, moi je dis à CDC, ils ont les moyens de monter sur scène. Ils vont se faire des ronds, il y en a, ils vont peut-être, s'il y en a qui écoutent, ils vont faire des bons comme ça. Si je dis U2, ils peuvent remonter sur scène, il y en a, ils vont faire des bons comme ça. Si je dis Depeche Mode, ils peuvent remonter sur scène, ouais. Bah pour c'est moi, une question de Metallica qui joue le Black Album, excusez-moi, c'est pour récupérer du pognon. Ouais, mais quand toi t'es public, mais la motivation, t'en as absolument rien à foutre de la manipulation. Ah oui, non mais ça, ils en ont rien à péter. Ah non. Mais pourquoi tu crois qu'il y a des trucs alimentaires qui se vendent? Pépé, il trouve la vie un peu trop radicale, même s'il respecte. Ah, j'aime bien beaucoup. Voilà. Ah non, mais moi je suis comme ça. Moi je suis. Ouais, non, mais il a. Moi j'ai toujours. Moi, moi je rejoins un PP, c'est. Mais au bout d'un moment, tu peux pas être trop mitigé. C'est soit tu aimes, soit tu aimes. Non. Être trop mitigé, c'est trop facile. Après. C'est vouloir faire tort de tort à personne. Voilà. Il y a un moment, faut que tu. Moi, comme le... dirait l'autre, faut que tu poses les couilles sur la table et tu dis, bah ça, j'aime pas. Mais t'assumes. Ça moi... veut pas dire que c'est de la merde. Ça veut dire que toi, t'aimes pas. C'est tout. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est, après, c'est moi, ça. Joe Satriani, je le trouve attaquable sur le fait que ben, c'est de l'instrumental. Donc, l'instrumental, ça passe. Elle monte pas chez tout le monde. C'est peut-être très orienté musicien, non? Le problème de Joe Satriani, en plus, c'est que en plus d'être orienté musicien, les guitaristes, en plus, encore plus orientés vers ça. Tu as des guitaristes qui viennent un peu comme Marcus Miller, en fait. Ça a été ce problème. Marcus Miller, j'ai plein de gens qui viennent voir. Oui, alors je vais voir Marcus Miller parce qu'il joue très bien de la basse. Et parce que j'en ai entendu parler. Oui. Coup, sur Marcus Miller. Marcus Miller, il fait du. L'excellent jazz, il a juste un petit peu épaulé un gars qui s'appelle Miles Davis. Je sais pas, tu sais qui c'est, mais c'est un petit peu un pilier du jazz. Voilà. C'est pareil, moi je suis l'un des meilleurs concerts que j'ai fait de ma vie. C'est Steve Vai au Bikini à Toulouse. Ça a duré 3h30, ça ne finissait jamais. Ça par contre, c'était un peu excessivement long, mais je me suis marré du début jusqu'à la fin. J'étais sur un bar, c'était plein à la gueule. Et je me suis marré parce que le gars faisait venir des gars sur scène. Tu t'appelles comment? Nadine. Enfin, ça s'appelait Nadine. Ah, c'est du coup, qui il rigole. Il entendait mal. Et du coup, il disait ah, tu t'appelles Nadine? Non, Nadine. Oh. Et du coup, il s'est mis à jouer du jour Satriani. Je suis resté là. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Mais c'est pas possible. Mais le gars se posait pas plus de questions que ça. Alors que des fois, je suis allé voir des groupes. Genre Airborne, non, je sais pas quoi. Airborne, c'est bien. Mais tu sens quand même le groupe un peu. On est un peu du revival, un peu pompeux là. Oh bah. On monte sur des gars dans la foule. Ouais, drrr. Non, mais bon, c'est clair, ils sont là pour le spectacle. Mais oui, les gars sont là pour le spectacle, donc. Entre le mec qui va monter à 20 mètres des échafaudages et les autres qui ont les joues en avant à la ZZ Top et qui balancent leur guitare, c'est du spectacle. Mais c'est oui. Ni plus ni moins c'est que le cliché spectacle. Que le public demande. C'est sûr qu'il y a Joe Satriani, c'est pour ça que pour 90 balles à Toulouse. Hein. 90 balles à Toulouse. Là, on est passé sur Wormhole Wizard de l'album. Black Swan and Warlord Wizard. C'est ça. Voilà. 90 balles à Toulouse quand même, parce que moi je suis allé voir Steven Wilson pour bien moins cher que ça l'année d'après. C'est surtout ça qui me. Oui, mais ça c'est ton goût. Voilà. Ouais, mais. Même au bout d'un moment, je pense qu'il faut. Faut rationaliser, tu vois. Au bout d'un moment, tout le monde allait voir des artistes pour 90 euros. Non. Au bout d'un moment, je sais pas. Enfin, quand tu vois Emmanuel Macron qui te dit. Tu veux bien gagner 1200,80€ par mois et encore je suis gentil. Bon d'accord. Mais tu veux aller voir chez Satriani pour 90€? Bon d'accord. Mais je vais économiser. Bon d'accord. Parce que de toute façon c'est pas le président qui décide, alors ils s'en foutent. Au bout d'un moment j'ai. Y a ce côté touchy, tu vois, où. C'est sûr que les gars qui s'abusent. Voilà, mais parce que surtout quand tu vois que les gars ils partent. Ah parce que je suis allé le voir à. Joe Satriani, je suis allé le voir avec Mike and the Mechanic. Ok, le set était plus court. Ça j'avoue, je vais pas m'en cacher. Il est passé d'ailleurs, c'est la même année que vous passez à Jazz in Marciac, je sais pas pourquoi il est passé là-bas. Soit disant pas ça. Je l'ai vu pour aller 45€ grand maximum. Moi j'ai trouvé ça le prix, pas trop abusé quand même, ça allait. Tu vois. Payer 90€ quand même. Je sais pas, hein. J'ai l'impression que ta réflexion va bien au-delà de la musique en fait. Ah oui non mais ça va être. Ça va loin. C'est le prix de la culture, hein. Ça va très loin. Mais ouais. Voilà. Mais ça va très loin. Hein. Une réponse sur ça. Ah non, mais personne n'aura un avis d'accord. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, tu peux avoir des avis différents. Hein. Ah oui, mais pour moi, voilà, je veux dire, je trouve ça un petit peu abusé. Ouais. Après, mort ça, du chanteur. C'est ça qu'on est. Charles Bradley. Je me souviendrai cet apéro original. Ben voilà. Après, je vais vous parler. Bon, allez, on reprend le fil. Reprends ton fil. J'étais sur l'album, je crois, que je n'ai pas dit. Sur l'album Flying de Blue Dream. Alors l'album Flying de Blue Dream est très bien. Enfin je trouve. Hein. Il dure 48 minutes, mais par contre Joe Satriani commence à chanter là-dessus. Bah, il chante aussi. Oui. Et autant te dire quand t'écoutes la chanson I Believe, t'es quand même. Triste. RT si t'es triste. Oui. Parce que Joe Satriani, tu sens que quand même la guitare ça va, mais le chant. Il chante beaucoup moins. Ah oui, ça. Il s'était moins entraîné quoi. Oui, c'est ça que c'est pas son kiff. Après, on a eu l'album 1992. Alors, c'est l'album de 1992, c'était l'album 20 plus ton cul à Sony. Donc, il y a une chanson qui s'appelle Wa, qui a été utilisée pour l'attraction Power Rangers. Power Rangers. Ah non, mais je ne te mens pas. Ça a été utilisé. Ah non, mais je dis pas que tu mens. Ça m'étonne tellement. Oui, pour l'attraction Power Rangers chez Disneyland. Ah. Summer Song, chanson assez connue de Joe Satriani, a été utilisée pour la pub Sony pour les gros méga balados là, un truc énorme. Megazork. Tu sais, les trucs énormes. Et t'as un noir qui danse dessus, mais cette pub est juste mais dantesque. Moi je suis mais resté scotché. Ah, j'en sais pas. Tu comprends pas. Donc là, déjà cet album, tu vois, tu sens un peu le rock un peu tacheux là. Mais il est très bien au demeurant. Mais c'est vrai que quand tu commences à analyser, tu fais ah ouais, quand même. Parce que déjà, quand tu tombes sur la pub Sony, tu fais ah ouais, quand même. Bah, après, ça a été repris par Sony parce qu'il est resté chez Sony jusqu'à la fin. Hein. Dans les albums, c'est chez Sony, hein. C'est chez Relative. C'est là qu'on peut poser l'artiste jusqu'à où il va. Hein. Je laisse ça pour un autre numéro. On y reviendra, je pense. Après est sorti l'album The Time Machine. Alors, c'est l'album le plus foutraque de Joe Satriani. Parce qu'en fait, c'est des reprises d'anciens morceaux et en plus des coupures d'anciens morceaux. Donc c'est un footrack dantesque. Le second CD, c'est des live. Et dedans, il y a tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a un album, par exemple, il y a une musique qui s'appelle The Speed of Light. Ça ne vous dira rien. Et si je vous parle... C'est du Stradivarius ? Non, et si je vous parle d'un film nul de Nintendo ? Mario ? Film nul oui. De Nintendo ? Oh. Ah oui. Super Mario Bros. À un moment, ils descendent dans un tapis dans des tuyaux. Ah bon ? Oui. Vous écoutez la musique, c'est du Joe Satriani. Ah merde. C'est vrai avec le film. RT si t'es triste. Ah non, mais Joe Satriani est passé par tout et n'importe quoi. Et dans cet album, il y a Woodstock Jam, qui est à peu près, mais vraiment, la plus grosse merde de ce que j'ai entendu de tous les temps. C'est-à-dire c'est 16 minutes d'impro de n'importe quoi. C'est-à-dire que même les fans de Joe Satriani, une fois je suis allé chez un fan de Joe Satriani, j'étais au WC, il s'est ramené près de la porte des WC, il m'a mis cette musique. Il m'a dit tiens, ça va t'aider à chier. Oh, c'est moche. Voilà, pour te prouver le truc, et je l'ai écouté dans le métro et j'étais pris de rire. Il fait pop pendant 5 minutes. C'est n'importe quoi. C'est magnifique. Bon après j'ai un 95 de Joe Satriani parce qu'il fallait pas s'emmerder, hein, visiblement. Donc un album assez blues. Joe Satriani tire sur le blues depuis des années. Malheureusement, il n'y a qu'un seul album, donc je vous laisse écouter. Hein. C'est pas oui, il est bien, Manu Katché fait un job magnifique. Là, il y a une musique qui s'appelle SMF. Je vous laisse traduire ce que vous mets derrière. Hein. Moroccan Sunset est très bien. Bon, après, il y a eu, je vous évite, le G3, tout ça. Joe Satriani est passé par divers vagues, tout ça, Il est revenu avec Crystal Planet en 1998, hashtag vive la Coupe du Monde de foot. Hein. Un album qui dure 68 minutes. Alors par contre là c'est le... si tu veux une rupture dans le continuum espace-temps de Joe Satriani, c'est Lila. En plus d'être une rupture physique, c'est-à-dire que le gars qui avait des cheveux jusqu'au boule, ouais. Et voilà, enfin des pantalons dégueulasses. Il a gardé les pantalons dégueulasses, mais les chauves avaient des lunettes de soleil. Donc c'était vraiment la révolution la plus totale. Alors je crois qu'on est sur Andalusia de l'album Professeur Stasha Funky Lutz and the Mystery of Rock. C'est ça. Ouais. Oh, ça c'est pareil. Sinon. On est entre la branlette et le chef-d'œuvre. Alors je te préviens, il te reste un peu moins de 6 minutes 50 secondes. Ah, reste que cette musique en fait. Pour finir. Reste c'est la dernière, ouais, c'est ça. Donc on est sur Crystal Planet, je vous laisse l'écouter. Il y a un peu de tout, il y a un peu de rien. Derrière, on a l'album Le cul entre deux chaises. Donc c'est Engine of Creation, donc c'est un album rock électro. Il était à la fois trop tard pour être de la techno et trop tôt pour être de l'électro pur. Donc c'est l'album, à l'époque où il est sorti, tout le monde s'est regardé avec... Un album bâtard. Oui voilà, tout le monde s'est regardé un peu comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors qu'au demeurant, moi je le trouve magnifique. Il y a des purs morceaux de bravoure dedans. On a passé une tout à l'heure, on a passé Pépé a adoré, on a passé Cloud Race Across the Sky, je trouve vraiment magnifique. Il y aura un pur morceau. Voilà. Juste derrière, en 2002, on a Strange Beautiful Music. Alors là, c'est pareil. C'est un peu l'album fourre-tout. Mmh. Je trouve vraiment assez déséquilibré. Pour commencer, je commencerai pas par celui-là. Voilà. Après, juste derrière, on a Is There Love in Space. C'est le premier album par lequel j'ai commencé. Pourtant, c'était pas le plus proche de la date de laquelle j'ai commencé. Il y a un peu de tout dedans, mais ça garde quand même une certaine unité au niveau du son. Ça dure 58 minutes, c'est de 2004. Et dedans, il y a la musique de l'enculerie. Donc à savoir, If I Could Fly. Quand tu l'écoutes, tu te dis, eh, mais ça me fait penser à un groupe. Tu sais, un groupe de sac, là. Ah oui, Coldplay. Bah, en fait, c'est même pas aller jusqu'au jugement, en fait. Le groupe a préféré passer ça sous... sous le tapis. Sous le tapis, ouais. Sous le tapis. Et en fait, quand t'écoutes entre les deux musiques, parce qu'il y en a qui te feront des comparatifs entre If I Could Fly et d'autres musiques. Mais le problème, c'est que c'est... quoi, 5 secondes de morceau. Pour moi, 5 secondes de morceau, c'est rien, c'est de l'arpège. C'est pututé, pututé. Alors que là, ça va un peu plus loin. C'est pour moi, c'est aussi gênant que le plagiat de Deep Purple sur... comment ça s'appelle? Sur Child, je sais plus quoi. Qui est très gênant, par contre. Parce que c'est 30 secondes de musique qui sont plagiées à chaque refrain. Donc c'est... Et puis, en plus, quand tu apprends que c'est un groupe qui avait fait la tournée avec eux, c'est encore plus gênant. Voilà. Et ça, c'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle. Après, ça, on a Super Colossal, qui est un album que tu peux écouter, qui est 2006, qui a 60 minutes. On en a passé un morceau tout à l'heure. On a passé A Cool You Way. Tu fais partie des musiques chiantes de Jean Satrini d'ailleurs, soi-disant passant. Ça, tu m'en rêves de la bouche. Voilà. Moi j'apprécie, parce que pour une fois on change pour moi, ça se laisse écouter. Franchement, ça mérite qu'on s'y écoute. Après derrière on a l'album qu'on est en train d'écouter là. Donc Professeur Sacha Funky Lutz et The Muscarian of Rock. Donc Jean Satrini a voulu faire des hommages un peu à droite à gauche. Donc il y a un hommage à avec Dil Yad Bouddha. À Steve Vai qui est complètement raté. Il y a une Revelation qui est un hommage à Steve Morse de Deep Purple qui est bien plus réussi. Dans cet album, en fait, moi je garde deux chansons, donc Andalusia qu'on est en train d'écouter et Revelation, pas plus. Le reste c'est. Ah, mais là tu gardes juste pour la technique. Tu gardes celle-là pour, ouais. Ouais, mais après quand tu l'écoutes en live, ça fait bien plus plaisir. Enfin, j'ai mis le morceau album parce qu'il est plus écoutable en bed. Mais je recommande aux gens d'écouter le morceau. Voilà. On sent la patte du bassiste, tout ça. C'est cool. Après, c'est vrai que quand même, c'est excessivement, et le mot est faible, très très foutra. Parce que si t'es vraiment pas habitué au genre, oui. Ça part dans tous les sens. Oui, c'est ça. C'est du gros n'importe quoi. C'est que t'as pas de repère, tu sais plus où tu vas. Ah oui, c'est du progressif, hein, vraiment. Après, on a le. Ce que moi je qualifie d'un des meilleurs albums de Joe Satriani. Donc Black Swan et Warhammer Wizard. Tout à l'heure on avait écouté Warhammer Wizard avec cette grosse basse très inquiétante. Pour moi c'est l'un de ses meilleurs albums parce qu'en en fait il avait perdu sa mère à ce moment-là. On sent beaucoup de mélancolie dans cet album. Et les bonus tracks apportent énormément à l'album, ce que ne sont même pas foutus de faire certains tracks normaux de leur album. Hein. Nous en passant. Moi j'aurais quand même une grosse. Celle que j'ai passée, Warhammer Wizard, est vraiment excellente. Winding the Tree est vraiment. Enfin, c'est vraiment un album, franchement pour moi, il faut aimer les albums mélancoliques par contre. Hein. C'est assez lourd, c'est assez entêtant. Mais si on aime, on trouve des trucs. Et juste derrière, après, on a eu en 2014, parce que là c'était 2010 pour Black Mamba, on a eu un album très court par contre, malheureusement, de Unstoppable Momentum. Alors Unstoppable Momentum, j'ai eu beaucoup de mal à l'époque où il est sorti, mais vraiment. Là, je me le suis réécouté avec des écouteurs qualitativement bien meilleurs et je me suis régalé. La production est excellente, le master est super. Il y a Vince Coletta, un batteur qui est super. Il a une touchée à la batterie géniale. Ça fait ça punch. Parce que, et je vais faire le différentiel par rapport à l'album qui vient après. Cet album est super, alors par contre je l'ai trouvé hyper court. Ça s'explique parce que l'album d'après, en fait deux chansons de l'album d'après de Choco et Supernova en fait ont été intégrées à cet album là. D'où les 45 minutes où tu te dis manque un peu un truc. Parce que moi je l'ai trouvé bien mais manque un peu un truc. Bah en fait voilà, deux chansons ont été incorporées après. Et dans l'album juste après, Shockwave Supernova, on a juste, alors je sais pas si ça va parler à certains, on a Brian Beller et Marco Minneman qui tournent juste avec Guntree Govan. Guntree Govan, c'est le guitariste de The Aristocrat, donc ils font le trio ensemble. Ouais. Et ces trois personnes-là, enfin surtout deux, Marco Minneman et Guntree Govan, ont juste participé à l'album End Cannot Erase de Steven Wilson, qui est pour moi un vrai putain de chef-d'œuvre. Mais non, vraiment. C'est-à-dire que Steven Wilson, il s'est posé là. Si tu écoutes la version 24 bits de son album, mais tu te dis, c'est juste pas possible. La batterie de Marco Minneman, elle est mixée d'une façon, tu te dis, putain, mais c'est du putain de génie. Pourtant, il n'y a pas des trucs qui sortent de l'ordinaire, c'est pas... Bon, c'est du progressif, ça se veut un peu pompeux, hein. Faut pas se cacher, il y a un peu des claviers, un peu... qui dure un peu longtemps, tout ça. Mais rien que le mixage est d'une qualité, c'est pour ça que le dernier Steve Wilson, ceux qui disent, c'est de la pop, c'est de la merde. Quand tu l'écoutes... C'est une question de goût, c'est voilà. Voilà, mais quand tu l'écoutes avec des... Bon, après, c'est sûr, faut des bons écouteurs. Mais en même temps, les gars se sont jamais cachés de vouloir faire de la musique un peu élitiste. Hein. Steven Wilson s'est jamais caché de vouloir faire de la musique un peu pompeuse. Hein. C'est pas comme, comme le faisait Eric L. Kempenbeller. J'ai pas le nom précis. Il est un peu dit progressif. Yes aussi. Hein. Il voulait faire un peu de musique un peu pompeuse. C'est pas de mal à ça. Quand t'écoutes avec des bons écouteurs, tu te dis ah ouais, quand même, c'est sûr que les gars ils ont bossé. Les gars se sont fait plaisir, tu vois, les gars ils sont visités pas là. D'ailleurs je l'ai pas mis en musique de fin, mais Big Train c'est le même délire. C'est un groupe de progressif ok. Ouais, tu commences à partir trop loin pour moi. Hein. Tu sens que les gars ils se sont fait plaisir. On se met un petit piano là pour... Ah non mais les gars ils avaient rien à foutre, tu vois que les gars ils avaient des... Sachant que on a rebooklé, donc on est reparti sur la première musique. De nouveau sur Searching. Ah non, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Donc ça fait 54 minutes 25 secondes. Donc moi, putain de crachoir quand même. Ouais. Je sais que bon, bah, je vais finir pour ça cet album. Je sais que Shockwave Supernova. Alors il y a une version remix. Tu sais, c'est écouter. On jugera comme il voudra. Moi, c'est un album que j'ai bien apprécié. Voilà, aux premières écoutes. Après, avec le recul, avec un bon casque, je me suis rendu compte que par rapport à Unstoppable Momentum, en termes de producing de master. C'était quand même c'était moins fouillis. Parce que Unstoppable Momentum, franchement, rien que pour la batterie, ça vaut le coup. Franchement. Mais en fait, t'as pas tranché dans l'histoire, là. T'as pas été tranché dans le vif là. C'est Satriani, c'est bon ou c'est pas bon alors? Ah, bah c'est comme tous les artistes, il y a du bon et du mauvais. Hein. Ah, sauf voilà. Faut pas aller plus loin. Hein. Non, mais moi par contre, sur la vie globale de l'artiste, je serais toujours moins tranché. Parce que c'est sûr que si t'aimes pas les trucs un peu, les trucs un peu guitare, c'est sûr que tu vas pas kiffer. Ça. Après, moi je pense qu'il faut... Il a eu son époque, maintenant il faut laisser la place à autre chose. Moi pour moi tu as faute, hein, parce que le dernier... Après, il a su se renouveler. Si tu veux, il a su prendre le claviériste de Frank Zappa, donc à savoir... comment il s'appelle J'ai plus le nom, qui a vraiment apporté beaucoup à sa musique, franchement. Parce que c'était vraiment... Il y avait des rangs de musique, c'était très plein. C'était vraiment un peu de guitare, un peu de basse qui passe par derrière, un peu de batterie, tu sais. C'est exactement ce qu'on entend. Hein. Pour moi, Churching, ça reste un peu au-dessus. Après, c'est Churching. Après, c'est vraiment... Churching, pour moi, c'est vraiment le progressif. Je sais que Churching, pour les fans de Joe Satriani, pas du tout. Hein. Je sais qu'il y en a certains, pour les fans de Joe Satriani, le meilleur album, c'est The Extremist. Hein. Je m'en cache même pas. Hein. Je te dis que moi, certains amis, c'est pour moi, The Extremis, c'est le meilleur album. Motorcycle Diver, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux. Moi, je leur en veux pas. Hein. Oui, bah, heureusement. Heureusement, non. Mais pour moi, c'est. Voilà. C'est... Après, moi, c'est vrai que moi, j'aime la musique pompeuse. Je m'en cacherai jamais. De toute façon, je pense que la musique de mon 9, du bon 10.1 par rapport à moi-même. Hein. Björn, c'est de la musique excessivement pompeuse, donc c'est du. Voilà, c'est du David Gilmour déguisé. Hein. Voilà. C'est une blague. Voilà. C'est du... Mais du David Gilmour qui a bien vieilli, hein, pas qui a fait des trucs de sac. Hein. Donc voilà. Tu veux qui est parti avec du Steve Rossery, le guitariste de Marion. C'est vrai. Au moment, je vais pas cacher les influences. Le gars, il les a. Ses influences, tu vas les voir sur son bandcamp et sont marquées. Et là, je vais pas me cacher. Hein. Le gars, il les marque. Et celui-ci passe. Le gars, il dit oui, j'aime bien. Que s'appelle le guitariste de Dire Straits, Mark Knopfler. J'aime bien Mark Knopfler, j'aime bien David Gilmour, j'aime bien Steve Rossery, parce que je dis face. Après, ses influences, elles sont plutôt bien digérées. Là, on va pas être trop peint. Après, ses influences, pour moi, sont bien digérées. Après, gérées. Ouais. C'est toi, il est où le jingle, là? Il, doit... il est là. Voilà. Vous pouvez le voir, il est beau, hein. Et le plus drôle, c'est qu'au moment où j'ai écrit ce dossier, j'étage, hein. Et ben c'est Joe Satriani a décidé d'annoncer son nouvel album. Donc c'est-à-dire ce n'est pas un album de Chickenfoot, parce que Chickenfoot en fait, c'est quand il a besoin de changer sa cuisinière en fait chez lui, hein, parce que Chickenfoot, c'est il y a eu deux albums et à peu près 17 best-of. Donc il avait besoin de changer la cuisine. Non, non, non, c'est un vrai album. Donc il a juste Chad Smith, mon batteur. Mm. Ça là, et Glenn Hughes comme bassiste, ça là, pour ceux qui savent pas, Black Country Communion avec Joe Bonamassa, et juste chanteur et bassiste de Deep Purple à une époque où je faisais un peu du transfert de droite à gauche, hein. Juste ça. Burn par exemple, pour ceux qui connaissent, juste ça, hein. Donc je sais, alors finalement certains ont gueulé, oui c'est pas bien de tirer les dieux, non, je sais rien, a toujours changé ses musiciens, hein. C'était pas le but, hein, de les garder. Donc ça sortira, je crois, le 18 juin 2018. Bon, écoutez, on verra bien. J'espère être surpris. J'espère. J'espère. Le mec qui espère être surpris, quoi. Ouais. Franchement, s'il y aura de la grosse grave comme ça. Généralement, quand t'espères, c'est pas bon signe. Ouais. J'espère que Joe Satriani sera nous surprendre, hein, parce que le dernier album reste assez classique, une fois que t'es sorti quand même des musiciens, donc à savoir Brian Bellen et Marco Minnemann, qui quand même apportent beaucoup, malgré un master que je trouve quand même pas terrible. Sachez, je trouve qu'il est mieux comme master. Écoute, ma foi, ça se laisse écouter. Après, voilà, je laisse aux gens le plaisir d'écouter. Je sais que Joe Satriani, voilà, ce n'est pas, surtout pas, il ne faut pas s'attarder à l'homme de Surfing with Aliens, c'est tout ce que je voulais dire dans mon dossier. Ah putain, oui, t'as mis le temps. Ça. Ah ben, faut prendre le temps de temps en temps. Faut prendre le temps. C'est vrai que toi, du coup, t'aimes bien prendre le temps, là. Voilà, ce n'est pas ça, parce que c'est là que tu te rends compte que Joe Satriani est resté quand même figé un petit peu à cette époque. Je sais qu'avec pas mal de fans, je me suis froissé avec ça. Non, mais c'est vrai. Pour moi, Joe Satriani, quand il joue les morceaux de Surfing with the Aliens, c'est un peu « Je les ai sortis du formol pour vous, un petit peu exprès. Je vais vous les jouer. Voilà, qualité album. Un peu comme quand je vais voir Deep Purple pour Spock on the Water, après je m'en vais, tu vois. Il aurait joué au premier morceau, je serais parti, tu vois. Ouais. Non, moi je suis allé avec des Toulousains et des Parigots là, voir des certains trucs. Ils auraient joué Smoke on the Water en premier. On aurait été moins nombreux dans la salle. Hein. Oh, ça y est, j'ai droit à mon premier morceau. Je peux le mettre sur Instagram. C'est super, je peux partir. Après, je te parle pas des gens qui viennent. Ça y est, on revient sur les réseaux sociaux. Là, oui, Facebook, je te parle pas des gens qui viennent à quoi ça, je sais pas quoi là, oui, pour écouter Carpenter Brut. Non, non. Moi je te parle du gars, c'est pas. Mais c'est le même gars qui vient de voir Marcus Miller. Oui, il joue très bien de la basse. Et il joue très bien de la basse. Et il a peut-être fait un peu des morceaux pour Marcus Miller et son dernier album et son avant-dernier album est assez bien. Enfin, je pense que ça suffit à lui-même déjà. Enfin, je sais pas. Bon voilà, moi je vous invite à vous lancer sur Joe Satriani. Je pense que je reviendrai sur d'autres genres, personnes de ce genre, comme Gary Moore. Je sais aussi que Gary Moore est un peu tendancieux. Il est vécu comme un guitar héros, mais c'est bien plus qu'un guitar héros. C'est... Ah bah, ah tu mets quoi au-dessus de guitar héros? Franchement, pour moi. Au-dessus de guitar héros, tu mets quoi? Non. C'est tu vrai... dises bien plus qu'un guitar héros. Pour moi, c'est un vrai guitar héros. Putain d'artiste. Pour moi, Gary Moore, c'est Business as usual, c'est Empty Room, c'est. Comment il s'appelle Out of the Field, c'est des morceaux de. Anthologie. C'est-à-dire que le gars était gros à 3 grammes. Au-dessus de Guitar Hero, tu mets quoi? Ah, pour moi, c'est plus que l'artiste. C'est des mecs qui ont apporté quelque chose à la musique. Ah non, mais pour moi, Gary Moore, c'est vraiment le summum de la musique. Quoi. Ah non, mais c'est vrai. Hein. Non, ok, ça me va. Hein. Non, pour moi, c'est je trouve ça très niche le poste, mais pour moi, Gary Moore, c'est encore l'échelon au-dessus. Parce que pour moi, Gary Moore, c'est vraiment si tu veux comprendre un pan du blues. Pourquoi pas? J'ai du mal à définir ce que tu mets au-dessus d'un Guitar Hero, c'est pour ça. Non, mais pour moi, Guitar Hero, ça se résume trop à au gars, allez, on va se faire un petit plan de guitare avec. Non, non, là, t'es en train de rentrer dans le discours du bobo moyen qui veut juste se faire mousser. Voilà, pour moi, souvent, le Guitar Hero, ça se résume au oui, je fais des pick slides sur ma guitare. Et voilà. Par contre, ça, tu le tiens super bien. Franchement. Et je pense que tu devrais t'arrêter là-dessus. Combien de guitaristes j'ai vu écorcher le nom de Joe Satriani. Non, tu l'arrêtes plus là. Combien de gens j'ai vu écorcher le nom de Joe Satriani parce que c'était des guitaristes. Oui, j'ai écouté Joe Satriani. Non, c'est Joe, déjà. Et. Oui, il fait que de la guitare lui, mais c'est pas que ça. Enfin, je crois. Pour moi, Gary Moore, il se passe encore, tu vois, c'est encore l'échelon au-dessus, tu vois, c'est, pour moi, c'est le... Ouais, pourquoi pas. Mais Gary Moore, pour moi, c'est l'incarnation de du vrai artiste, pour de vrai, tu vois. Parce que c'est le gars, il a rentré en studio, il fait, faut faire un solo, là. Allez, et le gars, il touche un solo, mais... Enfin, pour moi, c'est le... Je sais pas, c'est ce... Il est... En plus, il chante et tout, en même temps, c'est... Pour moi, c'est bien plus que ceux qu'on veut leur réduire. C'est genre Parisien Walk Away, tu vois. Non, c'est pas que ça, pour moi. Pour moi, c'est bien plus que ça. Non, mais il y a plein de gens qui auraient dû comme ça. L'article que j'avais lu sur la guitare, mais c'était un sketch à lui tout seul. Parce que t'avais à un moment une interview du guitariste de... tu sais, ce groupe de sacs de merde, là, Linkin Park. Et il disait... Oui, de toute façon, le mec guitare, il est méchant gratuitement. Oui, la guitare c'est fait pour être perdue parce que le talent, moi j'en ai, et le talent ça reste du talent. Je te dis quasiment texto ce qu'il a dit. Le talent ça reste que du talent. Mais moi j'en ai du talent. Comment te dire? Sinon tu l'arrêtes quand ta chronique là parce que... non mais là on a fini hein. Non, mais là tel qu'on est parti on va y aller jusqu'au bout de la nuit. Tu vois, nous on relance pas, on se tait. Non mais tu l'arrêteras pas parce que ce mec là il est capable de partir en roue libre à l'infini. Je t'avais dit sur Joe Satriani, je te fais 4. Ah ouais non mais... Moi je te fais 4. Il y a un moment faut que tu conclues. Moi je conclue justement, c'est son problème. Moi je conclue, écoutez du Steven Wilson et faites pas chier. Voilà, tu vois. Ça je pense que c'était le mot de la fin. Écoutez pour qu'une panne tue. Il y a super. J'ai bien envie de faire chier un petit peu plus. Hein. Ah, vas-y, vas-y, non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, arrête. T'as le droit, vas-y, t'as le droit. T'as pas l'impression de confondre talent et technicité? Ah, mais pour moi, Joe Satriani, c'est du talent. Oh putain, non, le seul truc qu'il fallait pas aborder. Le débat philosophique. Talent technique, allez, c'est parti, vous avez 4 heures. Ah, c'est vrai, il y a après, j'avoue, c'est quand même. Non, mais c'est vrai, c'est un débat touchy. Tu confonds les deux. Pour moi, quand tu écoutes Ewin Malmsteen qui fait du néo metal et que ça fait pendant 3 quarts d'heure. Oh merde. Ah, alors pour info, on est à 1h32. Et j'ai fait quand même morceau. Avec que ton dossier. Hein. Ah, mais moi je l'avais dit. Morceau sur Joe Satriani, c'est parti. Bon, on m'a lâché, c'est parti. Non mais je crois que Raven elle en peut plus. Ouais, non mais. Après, ce que je voulais bien. Surtout retenir, on c'est... On rigole bien. Elle est morte, elle est à l'envers, mais elle tient bon. Moi, ce que je voulais dire, c'est aux gens, voilà. Remets-toi une tournée à notre santé. Ouais, c'est pas Something with the Alien. C'est pas que ça. C'est pas que l'album de 1980. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais je rigole pas par rapport à toi. Par rapport à ce qu'elle a mis. Oui, bon. J'ai mal, je sais pas où. Pour moi, c'est ça qu'il faut se dire. C'est pas que ça. Voilà. Après, le reste, c'est... Faut aimer la vente. Voilà. C'est-à-dire que si t'aimes pas l'instrumental, les messieurs chantent pas, c'est un peu bizarre. Bon, déjà, t'es quand même un peu mal parti. Hein. C'est sûr que t'es un peu dans la merde. Moi, je peux faire du bruit avec ta chatte, hein, par contre. Non, c'est moche, t'as pas le droit. On peut essayer, c'est pas moche. Respecte l'auditeur quand même. Mais enfin, genre, l'auditrice. Hein, l'auditeur au sens large. Après, voilà. Oh merde. Mais après, il y a toujours cette zone ténue. C'est comme Metallica qui joue son Black Album. Est-ce que c'est parce qu'il fallait récupérer des sous? où est-ce qu'il fallait quand même, voilà, parce que les gens, tu sais, ils sont là, oui, Metallica quand même, le Black Album et Master of Puppets, c'est ce qu'ils ont sorti de mieux, alors, bon, on va faire une petite tournée, tu vois, parce que bon, c'est quand même un peu idiot de pas faire une... Ben, Joe Satriani l'a fait, d'ailleurs, il a, en 2007, il a sorti l'album hommage, il a sorti les 20 ans de Surfing with the Alien, oui. 20 ans, même un peu plus, oui. Ça faisait 30. Voilà. À 10 ans près, t'étais bien. Ouais, voilà. Il aurait été con de ne pas le faire parce que de toute façon il y a des gens qui sont là pour payer pour se dire ah quand même Surfing with the Alien c'est ce qu'il y a de mieux qu'il a sorti. Oui non. Je pense que tu peux aller un peu plus loin que ça, hein, quand même. Moi je trouve que Cool Number Name est un super morceau. Après bon, chacun en pensera ce qu'il voudra. Faut aimer la musique pompeuse. Hein. De toute façon, quand t'aimes l'instrumental, faut aimer un peu le pompeux. Hein. Sinon déjà de suite. Tu préférerais pas te faire pomper? Ça dépend si y a Révan. Non mais t'as vu là. Oh non, non. Mais ça aurait duré moins tranquille. Longtemps. Putain, mais c'est moche. Ça aurait duré moins longtemps. Ah mais c'est sûr, ça durait beaucoup moins longtemps. Là il y aurait commotion. Ah mais moi je vous avais dit, avec Joe Satriani. Là mon avis, il y aurait une commotion même. Avec moi, Joe Satriani, on est parti pendant 4 heures. Ouais, moi c'est pas compliqué. Après, si j'avais des trucs à vous recommander, Viteuf, Steven Wilson. Il y a tout, il y a rien, si ça s'écoutait. Il y a tout, il y a rien. Ah non, mais c'est vrai. Mais hein. Ça résume bien le truc. Quand t'écoutes le premier album, et il a fait une ressortie sans compression dynamique. Tu sais où sont les sacs ou pas? Voilà. Écoutez. Après, il y a Gary Moore, que j'apprécie énormément. Faut aimer le style excessivement énergique, excessivement extentatoire. Gary Moore, c'est ça. Tu peux pas écouter Out of the Field quand il chante sans se dire c'est un peu, voilà, c'est un peu touchy. Quoi. C'est un peu, le gars, il gueule à fond, le gars, il joue de la guitare à fond. Oh, un bande de bâtards! Bande de bâtards! Je pense que c'est une bonne transition pour enchaîner. Je pense que Révan a bien résumé, oui. Merci Révan. Mais de toute façon, mais. Je te jure, je te revaudrai ça. Non, mais vu les musiques de fin que je passe à la fin de l'apéro original, on peut pas se tromper de cible. On sait ce que j'écoute. Voilà, ah, bah dire. Oui, là, oui. Voilà, on peut pas se tromper. Vu comme ça, oui. Voilà, on peut pas se dire. Après, moi, ce que je veux. Il s'est passé un truc. Heureusement. Il y a Révan qui se demande si tu te tripotes en parlant. Moi je me tripote pas sur Joe Satriani parce que c'est pas ce que je préfère. Je préfère. Steven Wilson. Oui, voilà. Ah, déjà, honnêtement, faut rendre un sacré coup de chapeau à Révan parce qu'elle nous écoute depuis. Et un picole autant que nous. Oh, oui, après, oui, elle est en train de suivre notre rythme. Mais sans picoler, je sais pas quoi elle pourrait faire. Et toute seule dans son coin là à nous écouter débiter nos conneries. C'est surtout celle de penser à Pépé et à Lily qui sont en train de nous écouter. Aussi, ouais, aussi. Ouais, et qui commandent pas forcément. Ah bah eux, ils ont même, plus le courage de commander quoi. Après, bah il y en a plein des musiciens que j'aime bien. Il faut pas, il va être aussi élitiste que Joe Satriani. Non, mais je te dis, c'est un gros nazi de la musique, hein, c'est un extrémiste. Hein. Ah, moi carrément. Ah, ouais. Caca. Ah, et je m'en cache même pas. Ah, bah non, mais ça se voit. Non, mais pour moi, écouter des trucs de. Il y a Pépé qui attend la fin du dossier. Je crois que tout est dit là. Oh merde. Ah non, mais moi je m'ai caché. Hein. Je pense que le pire c'est quand je vais remonter ça, que je vais écouter chez. Il y a un moment, il va falloir que je coupe parce que c'est pas possible. Le mec, c'est au bout d'une heure, tu vas faire putain, mais il a pas fini l'autre coup. Alors, il manque un dossier. Non, on le relance pas, surtout pas. Ah non, moi j'ai fini, c'est bon. Tu le cut carrément en fait. Est-ce que tu as encore des questions? Non, c'est bon. L'épisode 3, il va faire 15 minutes. Tu sais, c'est l'intro, la conclusion, et puis le dossier à Satriani, on le zappe. Ce sera pour les tipeurs. Ouais, voilà, c'est ça, pour les tipeurs. Oh merde. Pauvre tipeur. Oh putain. Non, mais franchement, ça aurait été con de louper ça, quoi. Ah, mais moi je vous l'avais dit, je veux dire. Non, mais c'est con parce que ça partait bien. Ah bon? Ah ouais, mais au bout d'un moment, c'est chiant quand même. Là, je t'assure. En tant que sociétaire nouveau, promu, hein, je te dis, un c'est jour, chiant. Un jour, je ferai un dossier sur Steven Wilson, 8h30. Ouais, ben bah, c'est bien. Écoute, tu me le dis quand est-ce que tu le fais que je vienne pas. Non, mais c'est bien, si tu viens pas, il y aura personne pour le relancer. Donc du coup, en fait, il va parler, il va se terminer son dossier. Je vais me contredire moi-même. Ou alors, si tu veux, on se fait un dossier à deux. On se fait un débat contradictoire. Mais voilà. Hein oh, voilà. Le duel d'autistes. Après, vous pouvez... C'est pas gentil pour les autistes. J'ai pas entendu. Ouais, franchement, je sais pas. Il a fait ça, il a perdu la campagne. Duel d'autistes. Ah, duel d'autistes. Gandalf a repris, c'est pas gentil pour les autistes. Ah, je t'attrape avec Silmarillion si tu veux. Marion, mais c'est très bien Marion. Non, Silmarion. Ah ben Marion, c'est aussi un gros petit. Non, pas Marion. Non, non, mais c'est oh, la map, il est parti. Il a perdu une oreille en plus. Ah non, mais le Silmarion, j'ai essayé de le lire, c'est quand même un peu dur. Ah ben oui. Voilà, tu comprends ce que je ressens avec Satriani quand ah oui. Tu en parles. Ah oui, non mais moi j'ai jamais vu. Pour moi les gens qui me disent oui, joue Satriani. Ah non, ta gueule. C'est arrête. Surtout arrête. Woody Allier. Arrête, c'est arrête. Surtout ça. Arrête. C'est surtout arrête. Ça. Arrête. Après le reste, je m'en fous. Mais moi, arrête, surtout, sinon ouais. Je te parle de la musique des Zénures pendant 3 heures. Ah mais tu peux, je m'en fous. Alors, au début, Ful et Rue. Non, je vais vous épargner ça. Ça sera pour un prochain dossier. Ah voilà. Putain, si je te fais un... Vivement la partie 2 de ce dossier Satriani. Oui, le retour. Je ferai déposer sur le studio album de 2018. Drop the mic et drop the gens qui sont sur le live parce qu'ils vont mourir. 22h45. Mais alors, je vais pouvoir. C'est quand même pas mal. Cette musique. De merde. Dis-le. Non, tu sais que le Silmarillion, c'est une horreur. Revan. Tu vas prendre une fessée cul nu, bois tendu, tu vas t'en souvenir. Franchement, par rapport au niveau de l'écriture, c'est quand même un peu épais. C'est copieux, mais oui, voilà. si tu as appréhendé tout l'environnement avec les contes et légendes du premier, deuxième et troisième âge, normalement, le Silmarillion, tu dois pouvoir l'aborder. Par Sachez contre, que le Silmarillion se passe avant. Faut l'aimer. Ah oui. Faut aimer l'univers de Tolkien, on est d'accord. D'accord. Après, mais de dire que c'est une horreur. Ah non, c'est un parti pris. Mais je le respecte, hein, c'est un parti pris. Oui, c'est chiant à dire. Mais c'est comme Satriani. Je suis d'accord avec toi, Revan, c'est chiant à dire. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Arrêtez de le relancer, bordel. Non, mais moi j'ai rien dit. Moi je suis en train de discuter avec Revan sur le fait que le Silmarillion c'est chiant à lire. Si t'es pas préparé, ça reste quand même excessivement C'est chiant indigeste. À lire, c'est dur de se mettre dedans. Mais une, fois que, une fois que tu tombes dans les légendes de Turin Purambar et tout le reste, c'est très bien, ça passe. La musique des Zénures, au début, les premiers trucs. C'est très dur. Mais dès que tu tombes dans les histoires de Fëanor et les Silmarils, c'est tout le truc. Enfin, moi je suis tombé. Oui, tu peux. Ouais, tu préfères Lovecraft. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Honnêtement, je l'ai lu une fois ou deux, Lovecraft. Moi je comparerais. Je suis pas fan, mais Moi je comparerais plutôt. Pourquoi pas. À l'écriture des The Hobbit. Ça me va. Par rapport à The Hobbit. Non, mais le Hobbit c'est du commercial. Faut arrêter de me saouler avec ça parce que là on va pas être d'accord. Si tu veux prendre un coup de massue. Là, ah non, mais pour moi, entre là, le Silmarillion et The Hobbit. Là je vais sortir le nain qui est en moi. Entre le Silmarillion et The Hobbit. Non, mais c'est vrai. Je vais faire le Balin qui est en moi là et tu vas prendre une gifle et tu vas sortir. Entre le Silmarillion et The Hobbit, il y a un univers de différence. Impressionnant. Bah, déjà, tu as deux âges de différence. Déjà. Parce que le Silmarillion, tu peux le filer. Je veux dire, le The Hobbit, tu peux le filer à un gosse. Revan, quoi ? Avec un peu de vaseline, ça passe mieux ? De quoi elle parle ? Enchanté. Le Silmarillion. Ah, d'accord. Tu le sens, on doit C'est moche, Revan, c'est moche. Promettre et pas tenir, c'est moche. Bon, allez. On passe au jingle quiz, c'est ça ? Non, il y a un quiz. Jingle de questions aux invités. Allez, c'est parti. Non, parce que on peut revenir sur l'ancien dossier. Non, vas-y, je passe le jingle. Je ferai comme si j'ai rien entendu. Allez, viens. On va manger des chips. T'entends ? Des chips ! C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips ? Bon alors, je sais fini ou pas ? Non. Hop, notre nouvelle rubrique depuis le début de cet enregistrement. Les questions aux invités, vous choisissez un numéro entre 1 et 78. Pas le 27, pas le 33, pas le 45 et pas le 59. À toi. Et en commençant par Jojo. Moi, je veux absolument une question de Randall Flagg. Au milieu, tape au milieu. Tape au milieu, ouais. Tape dans le fond. 42. Ah. 42, forcément. Quelle est la réponse à la grande question sur la vie, l'univers? Oh non, putain! Forcément. Pourquoi ça tombe pas sur moi, ça? Et c'est pas une question de Randall Flagg parce que voilà, il posait. C'est la question universelle. 42. Voilà. Non, pas 22, Revan. C'est-à-dire putain, que toi, la réponse est dans le numéro de la question. Attends. C'est ça. Revan, Revan a choisi. Alors, pour Revan, moi, je choisis la question 22. Donc, ça sera pour après. Mais du coup, d'accord. Du coup. La réponse à la grande question 42. Mais la réponse est F2G2 et c'est 42 la réponse. Donc difficile de dire plus quoi. Voilà. La vraie réponse, c'est qu'on se rappelle même pas de la question. Et ça, c'est vrai. Non, c'est. Non, c'est pas ça la question. C'est. Bah, la question, c'est qu'il se rappelle pas. C'est qu'il se rappelle pas de la question en fait. Non, non, non. Non, c'est pas ça. Justement. La question, c'est que t'as deux les jumeaux, un garçon et une fille, donc des homozygotes, pas des monos, ouais. qui arrivent et qui posent quelle est la réponse à la question à la vie, machin truc, et au bout de je sais pas combien de temps de computation, l'ordinateur, il arrive, il se représente tous les deux, il leur donne la réponse et il fait 42. Oui. Ouais, mais il n'y a pas ce délire comme quoi, comme quand les gens ils reçoivent la réponse, ils se rappellent même pas de la question. Non, non, il n'y a pas de ça. Mais ah en non, fait, pas de ça. Dans l'histoire, en lisant tous les bouquins, t'as quand même le fait de, en fait, faut préciser la question. Oui. Parce que voilà. C'est ça le problème. Ah, c'est 42. Mais vous avez pas précisé la question. Oui, c'est ça. Oui. Pardon. Bon, enfin, c'est Super Space 5 quand oui. Oui. Et donc, du coup, t'as dit 22 parce que Revan voulait la 22. Alors, c'est une question de Randall Flagg. Ah, merde. Je suis vraiment dégoûté. Alors, pourquoi tout attaché s'écrit séparément alors que séparément s'écrit tout attaché. Et c'est pire que mon dossier. Finalement, on regrette peut-être pas tant que ça. Revan, tu fais chier. Alors attends, pourquoi tout attaché pourquoi séparé s'écrit tout attaché alors que tout attaché non, s'écrit non, séparé non, non, justement, c'est l'inverse. Pourquoi pareil. Tout attaché s'écrit séparément et pourquoi séparé s'écrit tout attaché. C'est pareil. Non, parce que t'as dit tout attaché séparément. Non, mais juste. Bon, il est trop bourré pour comprendre. Il doit y avoir une connerie, mais clairement, je suis pas en état. Donc, Revan a donné sa réponse. La réponse, c'était. voilà. Donc, je vous transmets ça de Revan. C'est. Tu nous retranscris ça de pêle-mêle. Non, c'est très bien. Moi, j'approuve la réponse de Revan. Et en plus, je rajouterai allez vous faire enculer. S'il vous plaît. Parce qu'il faut rester poli, s'il vous plaît. Cordialement. Voilà, cordialement, bien à vous, sincèrement. Post-scriptum. Voilà. Tout ça, tout ça. Si plus haut. Ouais, ça passe, ouais. Ça, t'inquiète, je gère. Je suis sur les lieux, je gère. Bon, ben, si on développe. J'ai cherché le mot. Si on ne développe pas plus la réponse, on va passer à la rubrique suivante, qui est un quiz d'Azertov. Intitulé Niquez-vous Odéon. Je pense qu'il y a un jeu de mots avec Nickelodeon encore. Et... Non, genre. Putain, je l'ai pas vu venir. Tu sens le mec qui a fait un. Je me tapote la narine avec l'index. Hein. Ouais, bah, apparemment, Revan se tapote autre chose avec du gravier. Salut à tous. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Vous êtes prêts? Alors allons-y. À force, tu peux envoyer une forme de saucisson qui coupe au milieu. Voilà, qui fait pareil des saucissons comme pour les jambes. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. Un personnage sortant des flammes, tel un survivant. Merci. Alors, du coup, moi, c'est un quiz pour savoir si les dessins animés que je vais vous donner ont été diffusés ou créés par Nickelodeon. Putain, j'en ai connu que deux, quoi. Moi, j'ai Nickelodeon. Alors, pour vous aider, pour que ça soit un petit peu plus convivial, j'ai aussi mis des génériques de la série. Allez. Donc, par exemple, si je vous dis Avatar, le dernier maître de l'air, vous me dites... Nickelodeon. Voilà. Le générique, c'était... ceci. Donc ça va un petit peu faible. Voilà. Donc ça c'est le générique vraiment du premier épisode de d'Avatar, le dernier maître de l'air, donc la toute première série de cet univers. Hop. Si je vous fais écouter ceci. Donc, en essayant de reconnaître la série, je suis montré du pain de la tenue. C'est quoi ça? C'est pareil? Non, c'est un dessin animé. C'est toujours que des dessins animés. Je connais. Ouais. Alors, il s'agit du générique de. Du laboratoire de Dexter. Dexter, Nickelodeon, ça, non? Alors, est-ce que c'est Nickelodeon Non, moi, c'est le laboratoire de Dexter, il me semble que c'est mon équipe, que c'est mon Nickelodeon. Vous êtes sûr? Ouais, moi, je suis sûr. Alors, pour info, ça a été... Ah non, c'est Cartoon Network. Ça a été diffusé sur France 3 à partir de 1999. Tu vois, je connais pas. Et, originellement, ça a été diffusé, créé par... Cartoon Network. Exactement. Omelette du fromage. Omelette du fromage. Et t'as vu que même après le quiz Jules Satriani, je reste. Non, bah tu m'attends, mais que toi, qu'on peut. J'ai jamais pompé personne, mais. Tu regardes l'épisode justement Omelette du fromage de la, du laboratoire de Dexter en français, ça n'a aucun rapport. C'est justement le gars vient du fait que les Anglais disent omelette du fromage en anglais. Donc toute la référence tourne là-dessus et en français, ils disent omelette du fromage. D'accord. Voilà, mais tu rigoles parce que t'es enfant à 9 ans. Donc, le petit deuxième qui est... Planète. Oh, Captain Planète. Non, ça, c'est pas Nickelodeon. Non, c'était bien avant. Captain Planète, c'est hyper vieux, ça. Je regardais ça en 84-85. Pourquoi t'es vieux? C'est le mec qui avait des fusées sous les talons. Non. Ah, si. Un robot en acier de fer blanc. Alors, fer blanc peut-être pour la couleur, mais c'était pas un enfin, il me semble pas. La tête de création de Nickelodeon. De pouvoir juger un peu avant la fin 90, début 2000. Je sais pas, parce que ouais, Captain Planet, je me suis dit, vieux, mais. Captain Planet, je regardais, j'étais gamin au Havre. 82. Alors, en France, ça a été la première fois, je dis bien la première fois, sur France 2 en 92. Captain Planet ? Captain Planet. 92 ? 82. D'après Wikipédia. Ah ouais, non, mais. Alors, Wikipédia dit de la merde. Captain là, je suis catégorique. Non, non, Captain Planet, c'est vieux en fait. C'est plus. Bah, le jour du grenier, j'en parle, et déjà, c'était un truc qui avait qualité de chaud. Bonne soirée, Pépé. Ciao, mon Pépé. Irashaimase, doze. Captain Planet, non. Donc, Nickelodeon, création 1er décembre 80, 1977. Ah, ouais. Ah, oui, mais non, non, non. Ah, oui, non. Et Captain. Jamais 92. Jamais. Alors, Captain Planet. J'en appelle à l'épisode de podcast. J'en appelle. Diffusion appelle originale, 15 septembre 90. J'en ai marre. C'est de la connerie. Sur. Avant ou après la guerre d'Algérie? Sur. Est-ce que ça a été diffusé sur Nickelodeon ou pas? Non. Avant ou après la guerre d'Algérie? Je sais pas. C'est moi l'histoire. Ce soir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Zig Aïe. Zig Aïe. Non, non. Zig. Pour, Aïe. Pour Captain Planet, Zig. Vous direz quoi comme ça d'instinct Gandalf? C'est vieux quand même, hein. Captain Planet. Fait que c'est vieux. Je dirais, ouais. Allez, Captain. Je sais que c'était un truc un peu bobo écolo là en plus. Nickelodeon, c'est. Je pense pas. Nickelodeon, la création c'est 77. Tant que là, ça oui, Captain, d'après Wikipédia. Là, Captain Planet, première diffusion en France, France 2, 92. Et on a, ça a été créé en 90. Non, Nickelodeon, non. Moi ouais, je dirais oui. Jean-Jean, oui. Tocho, non. Eh bien, Jonjon a tort. Merci. Ça a été diffusé sur TBS. Avec son Mojinger Simpson, il a tort. De quoi? Alors, ensuite... Bah, le marteau a tort, quoi. On passe à l'animé suivant. Le bus magique. Eh, la planche, je sais pas qu'il s'appelait tous les élèves. Et je suis sûr que ça t'a fait. Le bus magique, parce que c'est celui qui balade un peu partout. Ouais, le bus jaune. Ça, c'est bien de conneries à Nickelodeon. Ça, c'est capable. Très possible, ce du Nickelodeon. Ça, c'est du genre Dora l'exploratrice, tout ça. Ça doit être la même époque. Gandalf, Nickelodeon ou pas? Milieu 90, ouais, facile. Milieu 90, oui. Je regardais quand c'était. Moi, je dirais oui. Diffusion sur France 3, 1996. Ah, ça. Ah, non, j'ai été gamin, je regardais. Pour faire chier. La boîte de production qu'il a importée. Pas Nickelodeon. Non, mais sans savoir tout moi sur ce que. Moi, je dirais oui. Ouais, tu dirais oui, Nickelodeon. Ouais, c'est bien leur style. Fantoche. Ouais. Et Asto. Mais quand même, il y a quand même un côté. Il y a un côté apprentissage des sciences humaines aussi un petit peu. Oui. Du coup, je dirais non. Tu dirais non ? Non, ouais, je dirais non. Eh bien, tu as raison. C'était diffusé sur... Canal J. PBS. Merde. Alors, eh ben, je savais même pas que ça existait. Mais non. Comme quoi, il y a des trucs qu'on fait bien de les oublier. On passe à l'anime suivant. Oh putain, le chien et chat. Non. Chien et chat ? Non. Il vient de le dire. Chico ? Non, ça ne dit rien. Non, mais c'est chien et chat en fait. Ouais, c'était le chien qui avait une tête de chat et Chico. Non, ce n'est pas Micha Micha. Oh. Non, c'est non. Cléo et Chico. Comme ils viennent de le dire dans le générique. Cléo et Chico. Putain, non. Eh ben là, franchement, tu peux me prendre comme un sac à la loupe. Et pour moi, c'était chien et chat. Alors, j'aime bien Revan sur. Revan, encore là, non, ça tourne trop. Oh non. Elle arrive. Name, mes doigts, ma merde. J'arrive. Elle arrive, name en Revan ou Lala, ça tourne trop. T'es caté, j'ai un doigt. Oui, reviens, Revan, parce que comme ça, on va rigoler. Reviens. Donc, du coup, mes doigts, merde. Cléo et Chico. Je vois absolument pas. C'est alors Cléo, c'est un petit poulet, Chico c'est une vache qui est élevée par une famille. Ah oui, ça a passé sur France 3. Très nickel au début. Alors j'ai pas trouvé où est-ce que ça a été diffusé. Sur France 3, mais c'est possible que ça soit sur France 3. Moi je vais dire oui pour dire oui. Hein. Très nickel au début. Jean-Jean, c'est foutrement rien. C'est foutrement rien. Je connais pas du tout. Ouais, je suis sûr que Gandalf, sur le coup, il a l'air sûr de lui. Vu la description. Sur France 3, je suis sûr. Sur Nickelodeon, par contre. Vu la description, je dirais oui, très très Nickelodeon. Donc on va dire 4 oui, parce qu'on met Jean-Jean dans. Non. Eh bien, vous avez raison. C'est du. Non, pardon, non, non. Vous avez tous connu. Ah, aussi. Oui, c'est du Cartoon Network. Ah, ben voilà, j'avais raison, vous voyez. Voilà. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a Cartoon Network aussi dans le même style. Le problème, c'est qu'il faut réfléchir en termes de design, parce que c'est à peu près la même époque que Dexter aussi. Oui. Exactement. Eh, tu commences à nous niquer le cul. Alors, là, par contre, j'ai pas pu récupérer le générique en VF, donc c'est un générique en VO, mais qui ressemble à peu près. À peu près. Et Arnold ? Pas du tout. Pardon ? C'est pas ça. Ah, c'est les castors juniors, les castors. Allumé. Les castors allumés, les castors, ça, oui, allumé. Ça passait sur téléphone. Ouais. Tu sais que moi je bossais déjà à cette époque-là, je regardais pas. Mais toi t'avais déjà baisé, j'avais beau. De toute façon, j'avais même pas. Ouais, mais c'est pas un délire. C'est ça, 4 ans. Si, un peu quand même. Donc, du coup, ça a été diffusé en France sur téléphone en 1998. Et donc, Nickelodeon ou pas Nickelodeon ? Dans base. Je pense que c'était Nickelodeon. Ouais, oui, parce que c'est une belle époque de merde pour TF1. Donc pareil, Nickelodeon. Ouais, je dirais. Tu fais pareil ? Ouais. Asto ? Moi, je suis. Ouais. Là, pour celui-là, je suis sûr. Ouais, c'est... Non, mais c'était franchement de la merde. Eh bien, vous avez raison. C'est du Nickelodeon. Je regardais. J'ai niqué tellement l'Odéon, mon pote. Ah oui, non, mais moi, j'ai mon gamin à regarder Franklin, tu sais. Moi aussi. Et. Ouais, non. Alors comme moi j'ai un petit peu pensé à tout le monde. Arnold c'était pas le drôle qui avait les cheveux comme ça là. C'est ça, c'est ça. T'as vu les gars aussi, je sais très bien parce qu'on peut se remettre d'accord. C'est ça. Alors j'ai pensé un petit peu tout le monde, donc il y a vraiment un spectre très large de dessins animés. Ah moi si tu descends pas au manège enchanté, on va pas être commun. Le manège enchanté. Non, je l'ai pas récupéré parce que c'est pas un dessin animé, c'est de l'animation. Ok, donc Aglaé et Sidonie, ouais. Ça marche pas non plus. Non. Donc là, ça veut dire qu'à cette époque-là, on avait de la créativité. Ouais, on tombe très loin parce qu'on tombe sur du. Captain Caverne ! Captain Caverne ! Oh putain, avec Captain sa Caverne, torche dans ça, sa. C'était Studio Hanna Barbera. Avec la torche dans sa massue. Studio Hanna Barbera, c'est pas sur. Et son coucou. La torche et le coucou dans la massue. C'est ça. C'est bon. Et ça. Les Anna et Barbera, ils passaient pas sur Nickelodeon, je crois. Non. Non. Avec George Jones. George. Ça a été diffusé sur TF1 en 1979. Merde. Putain. Ça veut dire que j'ai été marqué aussitôt que ça ? J'avais 3 ans à l'époque. Ah non, mais après, il y a eu Captain Caverne, c'était énorme. Il y a eu plein de rediffusions parce que ça, de la jungle, je l'ai vu. Hein. Ouais. On a eu Georges de la Jungle, on a eu Captain Caverne, on a eu Diabolo et Satanas, Les Fous du Volant. Les Fous du Volant. Non. Alors du coup, Gandalf. Pour moi, c'est non parce que c'était niqué. C'était niqué, ouais. Ils ont niqué la game. Ils ont niqué la game. Non, pour moi, c'était du Hanna et Barbera, et je crois qu'ils n'étaient pas licenciés. Captain Caverne. Non, c'est... Jean-Jean. Non. Non. Tocheux. Ouais, je dirais non, mais... Ouais, non, je dirais non. Asto. Non, c'est trop tôt pour que ça arrive en France sur... Et vous avez raison, c'était sur ABC. Ah. Ça, c'était ce truc Hanna et Barbera. Tu sais, ce truc en 2D, tu sais, là. Voilà, où il y a qu'un plan, tu sais, que tout ça. Nous en bas, point, le reste ça n'existe pas. Comme. Comment ça s'appelle là, Sammy et Scooby. Scooby-Doo. Ah, Scooby-Doo, oui. On passe au, donc à l'animé suivant qui est. Mais ça c'est Rats. Et ça c'est Rats, c'est Marc de Pontavie. Marc de Pontavie, c'est son Gulli. Et je pense pas. Je reste sur France 3 en premier, ouais. Voilà. Et donc. Et parce que Marc de Pontavie. Nickelodeon ou pas Nickelodeon? Non, je sais pas. Ah, là tu me posais une belle question là. La première, je parle bien de la première diffusion où. Parce que c'était Canal J, je crois, la première diffusion. Parce qu'en fait, Marc de Pontavie, il est. France 3, la première diffusion. C'est une. Ah ouais? C'est pas une pure production française? Si. C'est pas une production française. Ah, mais c'est pure français, parce que sur France 3, c'est Marc de Pontavie, celui qui faisait Oublier les cafards, celui qui faisait les trucs comme ça, qui faisait récemment le truc avec le. Ah oui, sirène et. Oui. Il y a une sirène, un requin qui est. Oui, et la famille un peu magique aussi, où il y a un qui a pas de pouvoir. C'est un truc du genre. Et la famille qui a pas de pouvoir. Il y a une, il y a pas de pouvoir. Tout le monde veut tous des pouvoirs magiques dans la famille, sauf qu'il veut que je vois ce que tu veux dire, mais j'ai plus de dessin animé. Mais du coup, ça, c'était Marc de Pontavis, donc c'était Xiam, je crois, ouais. C'était chez Jackson, tout ça. Oui. Ouais, donc c'est pas du tout. Et je crois que. Tout passer sur Canal J ou un truc comme ça. Après, par contre. Après peut-être. Mais c'est passé sur Canal parce que les Oublier les cafards, c'est passé sur Canal, oui. ça a goûté, donc moi je pense que c'est bon. Du coup, est-ce que Jean-Jean est toujours. Au moins est-ce que vous connaissez? Alors celui-là, non. Ah, celui-là, non, ça me. C'est Dora qui était doublé par Eric Ramsey. Ouais. Dora dans un paquebot et qui vivait et des aventures mais... et qui. Non. Qui se baladait à travers le cargo à base de. De trucs que tu auras en fait. C'était pas bleu ou une connerie comme ça? Non, c'était vraiment. Il y en avait un en rouge avec une. Bah, ils avaient des vestes quoi. Mais c'était les mêmes qui faisaient les zinzins de l'espace et Oublier les cafards. J'ai pas accroché à aucune des deux donc. Et on rappellera que les zinzins de l'espace, générique, opening, de base, c'était Iggy Pop. Blim. Ça se passait là. Donc vous avez raison. Et qui était c'est pas du Nickelodeon, c'est bien du France 3, ça a été diffusé en 2003. Putain, fort les mecs. Non, mais ça c'est... Ça va. Moi, les trucs de Marc de Pontavis, ça va. Parce que c'est... moi, Oggy et les cafards, pour moi, ça a été... Tu vois, on se confronte à un problème générationnel. Mais, oui, toi, quand tu regardais ça, moi je partais travailler. Oggy et les cafards, c'est pas du tout Nickelodeon du tout, du coup. Ah non, c'est Marc de Pontavis, ça a passé sur Canal J. Hein. Pour moi, Oggy et les cafards, ça a été toujours le. Même si le film est. Parce que Rats, j'ai pas du doute, mais tu vois, Oggy et les cafards. Il y a un film Oggy et les cafards qui est. Là, je vais. Il se laisse regarder. Ah oui, il se laisse regarder. Si tu veux, c'est un film à sketch, tu auras comme film à sketch. Oui. Ça va. Ouais. Tu auras comme film tout court. Un bon petit caca et ça va mieux. Voilà, c'est donc 6,5. Voilà. On passe au. À l'animé suivant qui est. Oh putain! Je connais! Yeah. Non! Non, je connais! Je sais pas! Je voulais passer en blind test! Hein. Quasiment. Il y a un chien! Non, c'est un maître et son chien. Alors, Doug. Oui, c'est ça, c'est Doug. Doug, je crois que c'est lui. Bah. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a de l'orage. Ça a craqué. Moi, je mets oui sur Nickelodeon. Oui. Ah oui, dans moi aussi. Dans oui pour du Nickelodeon. Ouais, c'est ce le qu'il style, faut savoir, ouais. C'est ça que à chaque fois sur les visuels ou sur les... Je sais plus comment on appelle, mais les vignettes. Les vignettes de séries, les séries Nickelodeon, il y a toujours marqué Nickelodeon quelque part sur le logo de la série. Je regardais pas. Donc si vous avez le bon le style graphique, moi, me ouais, paraît ressembler à Nickelodeon, ouais, ouais. Des productions comme ça, ce qu'il recherchait. Pour moi c'est pareil. Moi c'est Nickelodeon. Nickelodeon ça m'y fait penser en tout cas. Moi j'aimais oui. Moi c'est terrible, je me souviens du générique mais absolument en tout cas ça m'y fait penser. Moi c'est pareil, je sais que j'ai regardé, j'ai aucun souvenir de la moi d'où je regardais moi. Mais par contre le générique, oui. D'où est son chien là, maintenant que j'y repense, ouais. Moi je préférais Arthur quand il était sa sœur. Donc random on va dire oui. Oui. Ouais, moi je pense que graphiquement ça me fait penser à du Nickelodeon, ouais. Asto. Je n'ai pas la moindre idée. Je connais pas du tout. Alors, putain, pour info, c'était diffusé. Si Asto, il a pas d'idée là. Sur France 3. C'est pas japonais. 1995. Déjà nous, on était un petit peu jeunes. Vous, peut-être moins. Comment moi, ça j'avais, j'avais 19 ans. Au moins, je suis sûr, là, par là, toi, c'est. Par là, j'avais 19 ans, moi, en 95. Ouais, non, mais moi, tu me mets avec l'âge de bateau. Ok. J'avais déjà mes amis et j'allais bosser, donc t'as qu'à voir. En 95, j'avais 6 ans. Ouais. Et tu te souviens pas des cages du coup Mais moi, ils ça a été rediffusé vachement longtemps. Ah non, t'es fait, pas moi, moi j'avais 3-4 ans, je me souvenais déjà de ce qui passait à la télé. Ça, je m'en rappelle aussi bien plus tard. T'en souviens? Ah, bien, mais vraiment bien quoi, je m'en rappelle avoir vu des épisodes et tout. Parce qu'en plus, il s'arrêtait, il expliquait des trucs et tout. Avec sa truffe. Alors, c'est. Oui, maintenant tu dis, c'est chier, mais. L'histoire, j'ai beau redire la fiche. Ça a été rediffusé sur TF1. Il avait un pull, c'était moche. Ah oui, par contre, c'était toujours par... comme c'était Arthur. Atroce. Quand il tapait sa sœur, moi ça m'avait rigolé. Il me faisait penser, avec son pull là, il me faisait à part. Comment il s'appelle Charlie Brown. Oui. Oui, oui. Ah ouais, ouais, je te jure. Ils l'ont juste affiné. Donc, du coup, vous avez tous dit Nickelodeon. Moi je dis oui. Non, parce que ça y ressemble. On va dire oui, c'était sur Nickelodeon. Ah ouais, tu vois. Nick sa mère, Nick Fury. Tu comptes les points là ou... Ah, pas du tout, non. Non. On est là, c'est la première quiz. En fait, le seul questionnaire où il y avait vraiment des points, on l'a pourri, c'est ça. Mais il y avait les trucs juste à traîner. C'est ça qu'il a fait. Bon, on va gagner du temps. Hein. Ah, mais il était bien son questionnaire. Moi, j'ai bien aimé. J'ai rien pipé, mais j'ai bien aimé. J'ai appris plein de trucs et plein de trucs à écouter. Écoute, on part à peu près dans un dessin animé de la même époque, en tout cas en France. C'est les bois de Katsu, les animaux, les bois de Katsu. Ah non, les bois de Katsu, ça c'est fait. C'était c'est un truc finlandais qui est passé sur France 3, ça s'est pas passé sur Nickelodeon. Alors, c'était très. Très écologique. Parce que l'histoire, c'était des animaux qui fuient. Ah non, mais les bois, c'était. Les arbres étaient coupés par les humains. Donc, ils partaient, mais c'est hyper beau. Moi, les bois de Katsu, j'étais abonné, je recevais la cassette audio. Ça a été diffusé sur France 2 en 1994. Et moi, j'ai pas quand je voyais Blaireau, comme moi, quand je voyais Blaireau. Gandalf. Nickelodeon ou pas Nickelodeon? Pour moi, déjà, c'est une production qui n'est pas américaine, je pense. Non? T'as raison ou pas? T'as raison. Voilà. Pour moi, c'était un truc, genre, c'était fait par des Italiens ou je sais pas quoi, déjà. T'as pas raison. Tes oncles italiens. Ah, j'ai cru, tu vois, au début, les boîtes Katsu, pour moi, c'était un truc genre fait par des chleux ou dans des... Donc, en tout cas, c'est pas Nickelodeon. Jonjon, pour toi? J'en sais rien. Ça, Tocheux? Ben, je connais pas... Ça a pas l'air... Enfin, au niveau de l'harmonique et tout, ça a pas l'air vraiment américain, tout ça. Non, je dirais non. Non? Asto? Je connais ni le nom, ni la musique, ni... Ah non, mais moi, ça rien du tout. Mon ADN. Alors, ça a été... Alors, c'est pas américain, donc c'est pas Nickelodeon. C'est un peu plus au nord. C'était fait par des Danois, non? Que... Non, c'est un peu moins au nord que les c'est Danois. Des Pays-Bas, ah, les Pays-Bas ou des Belges. C'est un peu plus vers l'ouest. Un peu plus extrême, l'Allemagne. Un peu plus vers l'ouest, encore. Les Anglais. Les Polonais. Vers les Anglais, ça a été diffusé sur la BBC One. Ah ouais? Ouais. Ah, j'aurais pas cru, tu vois. Ça. Ouais, comme quoi, ils mangent de la merde, mais ils font de la merde aussi. Ça. Non mais c'est Si c'est froid c'est de la bière, si c'est chaud c'est de la viande, c'est de la soupe. Si c'est chaud c'est de la bière de cave. Voilà. Attention. De mémoire c'était quand même c'est vraiment un dessin animé très. Quel épisode pourtant magnifique. Tu vois moi je me souviens quand j'étais gamin j'habitais à Dunkerque et mes parents avaient le câble parce que là-haut à Dunkerque ils te collaient le câble par défaut. Je regardais tout ce qui était chaîne anglaise et chaîne belge. Mon fils c'était le matin avant de partir à l'école de regarder les chaînes de la BBC avec les dessins animés et la météo tout ça. Et il passait des tonnes de dessins animés anglais. Et j'étais en extase devant. Et pourtant tu regardes. Ouais, mais tu regardes aujourd'hui, je pense que. Ouais. Tu prends tes gamins, tu fais tiens, va jouer au Scrabble, ça sera plus intéressant. Je sais que gamin, les animaux de bois de Katsu, je regardais. Ah non, c'est pareil. Moi, ça m'a marqué. Après, moi, ça m'a marqué. Je sais, je connais un petit peu le contexte de l'histoire, que c'était des animaux qui se parlaient et qui fuyaient une forêt qui était dévastée par les hommes. Ah non, mais moi, ça m'a rendu fou. Moi, je me souviens, je regardais Ferdi la fourmi avant que ça passe sur Canal+. Oh putain, oui. Mais on voir ce que c'est en plus. Et bien, Ferdi la fourmi, avant, ça passait sur tout ce qui était BBC. Sauf que moi, comme j'étais à Grande Sainte, j'avais le câble et je pouvais regarder les chaînes anglaises et je le regardais le matin avant d'aller à l'école. Ah, c'est pareil, il y a des gens qui étaient venus me dire « Oui, Top Gear, tu connais pas, mais c'est vachement bien. » Top Gear, du coup, on passe à l'animé suivant qui est... Static X. Non. J'aime bien sortir ça. Je l'ai pas mis. Ah, Ben 10. Ben 10, donc là c'était le générique de la vraiment toute la première série. Ben 10. Ah, le truc avec son bracelet vert là. C'est ça, et qui a des animaux. Non, mais n'allez pas plus loin, je connais que ça. Mais ça c'est très. Ben 10, mais c'est tout récent. Moi c'est un peu très français. Non, ça commence à dater déjà. Non, c'est français ça. Non, non, non, ah ouais. C'est du 2000. Pour les mécaniques, non. Enfin, j'ai pas noté le truc, mais oui, c'est au moins 2000. Ouais, parce qu'après il y a eu. Ça veut dire passé là. Oui, bah, non, moi je dirais oui. Au moins de là, sur le coup, je dirais. Moi je dirais non, moi je suis sur les Cartoon Network. Non, c'est pas. Dans Dalf, tu dis. Bah, je dirais Cartoon Network, je dirais non. Je dirais non. Et une idée de chaîne. Comme ça. France, moi j'aurais dit France 3 avec un trait de. C'était pas de dessin. Alors en France, c'est France 3. Sur France 3. J'ai pas trouvé la date, mais c'est sur France 3. Moi j'aurais dit France 3 avec un trait dessin européen. Mais t'as raison, moi je voulais voir Scooby-Doo et ça passait plus ou moins avant, une connerie comme ça. Donc ouais. Non, moi j'aurais dit non. Moi je dis oui, Nickelodeon, ouais. Nickelodeon ? Ouais, ouais, ouais. Eh bien, Gandalf a raison, c'était sur Cartoon Network. Ah merde. Au début. Ah, tu vois. Ça, pour moi, déjà rien qu'au trait au dessin de. Moi, le peu que j'ai vu, c'est pour moi, c'est pas le style. Ça me fait très penser à. Merde, comment elle s'appelait Kim Possible. Oui. Dans le style. Ça, c'est un truc Disney, par contre. Mais c'est vrai que. C'était au niveau de l'idée. Disney, ça, parlait, ouais. Ça passait dans la partie Disney de M6. Oui, c'est vrai. Ça. C'est vrai, ouais. De M6 Kid. M6 Kid, ouais. C'est avec ça. Nathalie Simon. Non, je pense que ça allait une période où il n'y avait pas de présentateur. Nathalie Simon, celle qui faisait de la planche à voile. Ouais, mais oui, là. Je l'ai revue à la télé, là, dans un spot. Oh, ce coup de vieux qu'elle a. Elle faisait une pub pour le cloud, c'est ça. Ah ouais, à un moment, elle faisait des pubs pour les sneakers. Là, c'est fait, fait secouer le marin, un petit peu trop fort. Alors, du coup, le prochain animé, c'est. Vous buvez quoi ? Tex Avery. Ah, mais ça, c'est les coups de volant. C'est les coups de volant. Par contre, sur quoi ça, c'est Anna Barbera, ça. Oui, c'est Anna Barbera parce que c'est plein de traits 2D. Oui, tu vois, avec le voix. Avec le pigeon. Oui, avec le pigeon. Non, ça c'est Diabolo et Satanas. Oui, c'est Diabolo et Satanas. Là c'est vraiment. Avec celui qui veut sa médaille. Je vois le plan très 2D par contre. Ouais. Tu vois, c'est, ça, les gars, la profondeur. Alors. Ouais, mais c'est bien ça. Oui, c'est super. Ça a été diffusé en France sur l'ORTF. Oh putain! Deux. En 1969. Pompidou, non, président pas, Pompidou. T'imagines, moi, j'avais moins 7 ans. Pompidou, président, moi je dis. Je dis Raymond pour faire chose. Parce que je suis Anna Barbera. Tu dois dire oui. T'as dit quoi ORTF, j'avais moins 7 ans. Bah non. Bah non, puisque t'as dit que. C'était plus vieux que ça. Pas du Nickelodeon. Alors, vu que je vous ai donné la date. Nickelodeon, t'as dit que c'était plus vieux que ça. C'est ça, 10 ans après, ça le fait pas, ouais. C'était quoi, 77 Nickelodeon, c'est ça que t'as dit? Que je regarde. Mais en effet, c'est pas sur Nickelodeon. Non, c'est CBS. Tu dis CBS? Ouais, je dirais CBS. Ouais, CBS. Asto, tu dis du coup? Non, je sais pas. Tu sais pas. Non, NBC. Première diffusion, t'as dit quelque chose pour la première 69. Diffusion, ça, ORTF, t'as dit En France, ORTF 69. Ouais, ORTF donc, 69. Pour rappel, Nickelodeon 77. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Donc ça peut pas être Nickelodeon. Pas Nickelodeon, mais. Moi, ouais, j'aurais dit. Bah, attends, je dis. Un truc qui a dit qu'on a perdu, je sais pas. ABC. 1, 2, 3. Voilà. Non. Okay. Non. C'était quoi? Ah non, non, non. Les fous du volant. Ah, les fous du volant. Et une idée? Une chaîne américaine ou ABC. Ouais, ABC, un peu un truc. Parce que Anna Barbera, ils avaient fait aussi à l'époque les... Non, mais pour de vrai, ils avaient fait la série Jason 5. Et ça, c'était à peu près à la même époque. Putain, je crois une image, ouais. Ouais, oui, mais et j'ai envie de dire que c'est Anna et Barbera qui l'avaient fait, donc j'ai envie de dire que ça passait sur ABC aussi. Je pense que... Mais pas sur Nickelodeon, de toute façon. Non, ouais, pas Nickelodeon. Moi, j'aurais dit ABC, ouais. Ouais. Ouais. Et à ce moment, il s'en branle, il est en train de jouer avec son étiquette. Deux lettres près. ABC, SN. Enfin, NBC, CSN. Non. Deux fois deux. Ouais, NBC. En fait. NBC. En fait, tu décales PD. Le A de deux lettres et t'as la chaîne. Et le, après, le C, tu décales de. BC et. C'était sur C. CBS, ah, un peu comme Nathalie ouais. Dormer qui suit Columbia Broad Street, Broadcast Station. La chaîne de Nathalie Dormer se violée. C'est possible. Ensuite, on passe à l'anime suivant qui est Manja. L'anime Manja. Ah oh oh, putain, ça c'est Sourire d'Enfer. Ah, non. Non, non il, elle l'a dit à l'entrée. Bon, Angela, oui, c'est Angela. Si tu veux, je te l'envoie. Écoute bien. C'est le vrai nom, Angela ? Oui. C'est le truc dégueulasse en papier, hein ? Oui. Ah, oh, putain, l'horreur ! Angela ! Oh, l'horreur ! Oh, ça y est. Je vais quand ça fait Angela, je sais pas quoi. Non, ça, c'est pas Nickelodeon. Oh, mon Dieu ! Oh, alors, mon pour Dieu. Info, ça a été diffusé en, sur France 3, mais j'ai pas trouvé la date, mais ça doit être... Fin 90. Fin 90. Début 2000. Début 2000, ouais. Ouais. Ah, ouais. Je dois être au collège, donc c'est 2000... C'était diffusé sur quoi ? Sur France 3. Ah, mais moi, j'arrête le podcast, là. Je m'appelle Angela, c'est papier. Mon... Tu regardais, c'est les avec un appareil dentaire, mais dégueulasse. Oh l'horreur! Un appareil dentaire? Ah, oui. Ouais. Oh, ça non. Y est! Ça, ah, je vois les animateurs trop tristes qui meurent! Elle avait pas un appareil dentaire? Non, je vois pas là. Oh mon Dieu. Ah non, parce que ouais, Sourire d'Enfer, je m'en souviens par contre. Ah, les... ah je vois les intervallistes là qui meurent là. Oh mon Dieu. Ah, oh, je me sens je pas bien pas trop. Je sais pas ce que c'est ça. Je me dis la tristesse, les gars ils sont là. Bon, faut bien bouffer. Non, oh les pauvres. Ah non, moi je me désolidarise. Ça s'appelait juste Angela ou il y avait un truc, il y avait un autre... Il y avait son nom de famille après. Moi je me rappelle de la série animée Sabrina la petite sorcière. Et pour dire que c'est bizarre, elle non, il n'y a pas de... Elle n'a pas de... Mais Salem le chant. J'allais dire le chant de... L'appareil dentaire. L'appareil dentaire. Non, on l'a pas. C'était horrible. C'est vraiment du papier mais très dégueulasse. Le visage, t'as l'impression que c'est de la modélisation 3D très très très très dégueulasse. Ah, je vois pas, tu vois. C'était donc Angela Anaconda. Comme Angela Anaconda, putain, Angela c'est ça. Anaconda. Ah cette horreur. Ah ah oh avez le ah, c'est mon maintenant. Slip là qui s'en va. Mon slob il s'en va. Donc ça a été diffusé sur France. Bah, ça a été diffusé ouais, sur France 3, donc ça doit être pareil début 2000 et quelques. Oh mon Dieu, oh quelle horreur. Donc Gandalf, niquez l'Odéon ou pas niquez ah, vous niquez, Odéon. Non mais niquez la vie directe. Ah, mais niquez la vie directe. Moi je pense aux animateurs non. Qui ont fait ça. Non, non, non. Ah, mais... oh, Tocheux. Non. Ouais, ils sont capables. Je dirais qu'ils sont capables, ouais. C'était vraiment. Et tu peux montrer une image de ce merde. Effectivement, oui, ça me parle. Ouais, c'est ce que j'ai. Je vois l'image là. Ouais, oh effectivement. Oui voilà. Oh Tocheux. Ouais, je dirais oui, oui. Ils sont capables. Oui. Ouais. Asto. Ah mon Dieu! Mais vraiment au pif! Hein. Non. Tellement juste non, sur la base des images, je te oh dirais. Mon Dieu! Non. Eh bien, non. Et non. C'est même, je crois, ça a été diffusé la première autant fois au Canada sur Télétoon. Il me semble que c'est pauvres. Une chaîne canadienne. Oh, oui, Télétoon. Ils ont vraiment pas de chance. Oh, oh mais quelle horreur, c'était bien. Oh, mais c'était dégueulasse. Je sais que j'ai arrêté de regarder, c'était après les Minicom, donc ça va être oui. Le truc avec en. C'est en hyper malsain, quoi. Dégueulasse. T'as l'impression qu'elle a un cancer de la peau, quoi, la fille. Oui, elle est toute mauve. C'est ça. Elle est grise. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais moi, mais je me disais, mais non, je serais déjà mis, quoi. Voilà. Et là, on va passer à Top of the Pod qui est. Ouais. Alors ça, je sais pas si c'est Nickelodeon, oui. Mais alors... J'en sais rien, mais il y a moyen, ouais. Moi, Nickelodeon. Gandalf. Moi-même, je te dis oui. Ah bah, con comme ça, oui, oui. Non. Non oui. Alors, pour info, ça a été diffusé sur France 3 en 1900... Non, c'est non, 2000, vous. Milieu 2000. C'est donc ça. 2005. Alors, j'ai pas la date, ça a été diffusé sur TF1, mais il me semble que c'est le 2000... ouais, c'est bien... Shipper, arrête de shipper. Milieu 2000. Ah, mais ma soeur, elle se tapait ça, Ah, c'est appelé qui, Diego? Et... Ah, les animaux, ils vont te sauver! Et vous avez bien raison, c'est bien sur Nickelodeon. Ah. Il est sur le logo. Oh. Oui, oui, exact, oui. Doralo. Comment il s'appelle le petit con là avec Chipper. Ses cheveux jaunes de chaque côté là. Chipster. Non non mais Nickelodeon. Et Arnold. Et Arnold, voilà. Ça, ah c'est une... mais juste ça, c'est ça, ça, ça c'est un pur produit de Nickelodeon. Mais le noir, il avait des amis noirs, pas comme dans la vraie vie. Non. Avec comment il s'appelle? Elga Pataki. Elga Pataki, putain. On passe à l'animé suivant qui personne n'aime les mouches. Revan enlève ses chaussettes mais en deux mots. Et je vais te faire le retourner les chaussettes à moi. Tu vas voir. Ouais, c'est une connerie comme Bob le bricoleur ou je sais pas quoi. Non. Il y a pas une histoire de bricoleur. Il y a une histoire de bricoleur. C'est quoi la chemise là? Pas du tout. Alors, en France. Ah bon? C'est pas Nickelodeon. En France, hein, c'est... Si on n'a pas chopé le maire de Paris, c'est pas Nickelodeon. C'est fait un petit peu par... merde, j'ai plus son nom. Le loup-garou dans Buffy. Oui. Non. Je sais plus qui en fait c'est Robot Chicken. Ah oui, oh, c'est Nick. Non. Ah, c'est je sais plus comment il s'appelle mais Robot Chicken c'est, putain c'est pas Nick. C'est pas Nick Nickelodeon. C'est notre chaîne, je sais plus comment ça s'appelle. Seth Green. Seth Green, voilà exactement. Merci bien. Là ça m'est revenu d'un coup. Donc Gandalf, c'est non. C'est non, je il a fait, non. Fait un P et... Il n'y a pas moyen. Oula pas oula oula je sais pas. Et c'est pire que le coup de Sotranis. Je sais pas du tout. C'est non. Et pourtant bah non. Ouais, du non. Coup, je sais pas, donc c'est Asto. Non. C'est non. Et non, mais non, mais bien sûr, mais non. Vous avez bien raison, c'est parce que c'est Adult sûr. Swim, bien sûr. Adult putain, Swim. Putain, je viens de choper la page, mais je suis pas... Genre comme... Too many poops, too many cooks. Too Many Cooks, oui, c'est le générique infini de Too Many Cooks, c'est Adult Swim. Moi, je voulais faire un cosplay du gars un peu chelou. J'étais en train de chercher le truc. Ouais, C'est l'accent anglais qui dérive un peu. Et pour ouais, Adult Swim, en fait, ça a été une chaîne qui a été créée... Too Many Cacata. Après, en fait, c'était d'abord un programme d'une première chaîne qui était la Warner, je crois. Qui était, il y avait un petit créneau qui s'appelait Adult Swim, qui est devenu une chaîne par la suite. De la Werner. De la Werner. De la Werner. On passe à l'animé suivant. Moi je connais la Louve de Bafeu, mais pas la Werner. Sucre. Des épices. Super Nana. Powerpuff, oui. Oui, Powerpuff Girl. Ouais. Mais ça c'est comme Dexter. Hein. Oui, c'est la même chose que Dexter. C'est, hein. Cartoon Network. Ouais. Et parce que ça fait partie du jeu Cartoon Network de Battle League. C'est parce que c'est. Si. Mais c'est un super nana, ouais. Et moi je suis sûr à 100%. Hein. C'est le même univers en plus que Dexter. Moi je dirais non. C'est le même univers donc fatalement c'est. Ça fait partie du jeu Cartoon Network. Cartoon Network. Exactement. Je le sais ça. Et donc en France. Il y avait un jeu sur GameCube qui était sorti. Mais graphiquement France 3 ça aussi non. Ça a été France et je pensais que c'était moins que Dexter. Et en fait. C'est 2000. Ouais, la et moi je vois bien le méchant Mojo Jojo, ouais. Oui, donc, c'était le méchant, c'était le singe. Tu dis, en fait, on avait à peu près 9 ans quand le laboratoire de Dexter c'est drôle parce qu'on l'est passé, et t'as un an après, en 2000, donc on avait à peu près 10 ans quand les Super Nana passaient aussi sur France 3. Putain. Moi je pensais que c'était beaucoup plus tôt. L'omelette de fromage. Omelette du fromage. On passe à l'animé suivant qui est. Bob l'éponge! Ouais, Nickelodeon, complètement Nickelodeon. 100% Nickelodeon. Il a fait partie du set de Nickelodeon et il y a eu le film avec. Comment il s'appelle? David Hasselhoff qui fait. Les dauphins. Les dauphins, non, de Dieu. Donc, pour info, ça a été diffusé sur TF1 en 2000. Donc, tu te rends compte que. Les Super Nana et Bob l'éponge ont été diffusés en même temps. Et comme quoi, et là, moi j'en ai un. C'est bizarre parce que je pense pas parce que. Bob l'éponge c'est beaucoup plus tard que. Bah oui. Oui, non, mais je pense que c'est aussi un rapport d'horaire aussi. On va peut-être avoir plus de facilité à tomber sur les. Les Super Nana. Ouais, ça tombait aussi l'après-midi aussi, je crois. une époque. Ou le mercredi après-midi, il devait y avoir un truc. Et donc, oui, donc Bob l'éponge, Nickelodeon. Mais ils l'ont survalidé, donc. Ultra validé Nickelodeon. Moi, je vois la nana, ça a marqué Nickelodeon à côté. Le dessin animé suivant qui est. Code Yoko, pas Nickelodeon. Code de mesure, code Yoko. Deux notes, mais c'est même pas deux mesures, c'est deux notes, code Yoko. Parker, Parker, le gars. Notre ADN, code Yoko. Pareil. Non, mais toi, ça se voit. Ça change rien, ça se voit. Quand tu fais le TGS toutes les années. Oui, on va faire un petit peu de. Moi, ce qui me gênait dans Code Lyoko, le peu que j'en ai regardé, c'est que ça me... il y avait trop de 3D pour moi, c'est une impression. Non, en fait, c'est vrai. Quand ils étaient dans leur vrai monde. C'est vrai qu'il y avait deux mondes. Il y avait le monde de l'animation là, en 2D, et le monde de la 3D. Dès qu'ils passaient dans le monde de Yoko, là, c'était vraiment en 3D. Et là, ça me paraissait vraiment trop surfait. Donc, et tu n'as pas vu le Code Lyoko Evolution? Non. Là, il faut pas regarder. C'est en live. Ouais, c'est un peu comme Dragon Ball, live, mais. Une adaptation live vraiment dégueulasse. La suite de Dragon Ball, c'est Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, appelé Dragon Ball Z. C'est pas Nickelodeon. Non, pour info, ça s'est diffusé en 2003. Dragon Ball Z, ouais, c'est rien ou pas. Non, mais c'est super. Ouais, c'est Nickelodeon. De quoi? Non. Code Lyoko. Ouais, voilà, tu fais une espèce de vieille fausse enculerie. Bon, je vais dire oui pour dire non. Mais pourquoi quand toi, je veux dire oui, dire oui alors. Non, c'est clairement pas Nickelodeon. Je crois que c'est parce que c'est Canal G aussi. Tocheux. Non, c'est, pour moi c'est français ça. Enfin, ah, mais c'est au moins c'est européen. C'est pas Nickelodeon. Et ça serait quelle chaîne d'après vous? Moi j'en dirais Canal G, mais. Alors c'est une production. Oh, il y a du France 3. Moi j'aurais dit il y a France 3. Ah oui, non, mais après les du Arte, du France 5 ou un truc comme ça. Ça a été diffusé en premier sur France 3. Voilà. Après à l'étranger, France 3 c'est pas l'étranger parce que Fred est déjà mis. Oui, oui, non, non, mais c'est quand même une truc France 3. Ouais, c'est pas Nickelodeon, c'est pas la culture. Hop. Animé suivant qui est. Et du coup, tu as répondu? Qui est passé après oui. À une époque, un truc avec les Renault. Donc, t'es American Dad, je sais pas. Bon, en français, c'était traduit un peu. Bon, mais c'était pas mal. Oui, pour info, American Dad, c'est diffusé sur. Énergie 12. Énergie 12, le dimanche matin. Il y a rien à faire. 8h jusqu'à 14h. Au moins 14h. Jusqu'à et qu'ils après, mettent leur série là. Leur série de merde ou les, leur télé-réalité de merde. Alors, Gandalf. C'est zombie. C'est non. Non. Non. Jonjon, non. Tocheux. Bah, je sais pas, c'est assez con pour être américain. Nickelodeon. Non, non, ah ouais, ça non. Me paraît pas être une production Nickelodeon. Trop libération, moi, je passe. Non, j'irais non. J'essaie de trouver, c'est clairement pas Nickelodeon, mais j'arrive pas à retrouver ce que c'est. Si je vous dis 21, 21ème. C'est 21 siècle. Hein 21ème siècle. Fox. C'est la 20. Ah, la 20, oh, c'est la Fox. C'est la 20. Ah oui, mais bah oui, bah c'est pour ça qu'il y a un crossover entre Family Guy et Simpson. C'est possible. Il y a un film. Il y a un film entre Simpson et Family c'est Guy. C'est possible. Je l'ai pas vu. J'ai oublié parce que c'est Seth Rogen. Bref, Seth Rogen qui fait la série, oui. On est d'accord. Animé suivant qui est. La famille de la jeune, c'est Nickelodeon. Oui. Jonjon. Ah bah oui. Moi je valide la réponse de Jean-Val. Ah ouais, pas celle d'Asto, même si c'est la même. Je crois qu'ils ont répondu en même temps, mais lui il a gueulé plus fort, donc il semble avoir vu le logo dégueulasse. Ouais. Il est pareil, je sais même pas de quoi on parle. Le haut, en haut, non mais c'est la famille. Ah, est-ce que tu veux que je t'y... J'ai même pas le titre du truc. Dans cette famille, il y avait un gosse attardé. La famille de la jungle. Non, il est pas attardé, il a été élevé par des animaux. C'était... Non, pas Doui, c'était... Merde. C'est le singe. Non, il s'appelait Dou. Le singe est intelligent par contre. Darwin, le singe. Darwin, c'est le singe. Parce que Doui, c'est Malcolm. Oui, et le. Et le fils. Le fils adoptif, je sais plus comment il s'appelle. Non, Georges, c'est le père. Avec le pif qui est. Georges de la jungle, ouais, c'est le père qui a le pif qui est plus grand que tout. Que tout. Plus grand que l'habitat Rocco. Ah, on a Raven qui est parti s'allonger. Et j'arrive. Bah bonne nuit, la vanne. Non, elle est partie. J'arrive. Elle a dit, je vous écoute. Là, j'arrive. On a Gandalf qui est bon pour faire de la ASMR. Alors je vous retrouve ça parce que Darwin c'est le singe qui, oui. qui parle aussi et les personnages. La fille s'appelle Lisa. Oui, Lisa de la jeune. Elisa. Elisa, sa sœur s'appelle. Ah, elle est un peu pompette là. Un peu. Débi. La jungle. Le père c'est George. Le père c'est George. Pas du tout. Ah bon? Non, ah, mais c'est le petit Nigel. Nigel, putain. Nigel de la jungle. Nigel et la mère, c'est Marianne. Et non, pas du tout non plus. C'est Donnie. Donnie, ah oui. Pas loin. C'est ça. Mais ça m'a retourné le. Le bug, il me fallait pas beaucoup. C'est pour ça qu'il est comme ça maintenant. Il voyage en camping-car. L'inculerie, la famille de la jeune. Donc on est sur. Voilà, donc ça a été diffusé sur M6 en 1998. D'accord. M6, ouais. Putain. Animé suivant qui est. Ça, c'est du Marc de Potamis. La famille pirate. La famille pirate. Famille pirate. Ça, Un petit coucou à Barberousse. France 3. Ah, mais ça, c'est du France 3. Ça a été diffusé France 3. Alors, c'est. J'ai pas trouvé les infos, c'est ça le pire sur Wikipédia, j'ai pas réussi à trouver. C'est ce qui habite une cabane là sur la plage. Oui, qui a toujours des problèmes avec sa belle-mère. Oui, ils ont un crocodile. Et la belle-mère, il aime pas. Il va toujours dans son espèce de putain de supermarché et il se fait chier à chaque fois. Et les fils à l'école, oui, alors mon papa il va tout faire. Et le voisin, il est méga richard. Le voisin, il est méga richard, il est blond. Ouais, c'est ça. Non, culturellement, c'est pas. Non, ça peut pas être américain, ça. Non, très clairement, c'est pas ce genre de truc qu'il faut mieux. Très clairement. Non, je vois pas Nickelodeon. Alors, date de diffusion par Wikipédia, donc j'ai pas réussi à trouver, mais sur Wikipédia. Début 2000. Hein. Ah, 98, non hein. Même un petit peu avant, septembre 99. Date de diffusion originale. Moi je voyais un petit 98, tu vois. Ouais, je voyais bien un petit 2002, 2003. Ah, tu vois. Pour moi, j'ai toujours vu ce truc quasiment. J'ai quasiment jamais vu ce truc. Hein. Donc. Moi j'aimais pas trop, je sais que ma soeur. Nickelodeon ou. Ça a jamais été diffusé, soit. Non. Jean-Jean non plus. Tocheux. Moi, c'est le genre de truc à passer sur Canal J ou Gulli. Asto. Oui, c'est vrai que c'était le genre de truc Canal J, mais moi je dirais quand même Nickelodeon. Ouais. Tu dirais quand même. Bah ouais. Et c'est une production franco. Allemande canadienne. Ah, le salaud! Donc les chaînes d'origine sont France 3 et Radio Canada. Radio Kawa. Il était une fois. Et ensuite on va enchaîner sur du. Ça, du quoi? D'accord. Donc on a dit pas Nickelodeon. France 3 et ça, ça passait sur Canal. Vraiment, donc ça c'est les zones d'espace. Ouais, les marques de potabis. Qui était vraiment super. Qu'à les fois jaunes et tout, ils avaient peur. Ils étaient jaunes et tout. Donc les zinzins de l'espace pour Gandalf. Mais on a la réponse. Donc, c'est bon. Pour moi, c'était Canal J après. Non plus. Non plus. Ça, tu vois, je mettrais peut-être un mi-90 et c'est peut-être plus fin. Oui, les premiers épisodes de. 97. Yeah. Ouais. C'était assez vieux les premiers épisodes. Parce qu'après, il y a une seconde saison qui a été hyper tard en fait. Je sais que de toute façon, c'était ça, c'était France 3. Ouais, mais c'est une nouvelle saison bien après quoi. Sinon t'as des animés qui ont été diffusés sur autre chose que France 3 ou c'est même pas une question en fait à chaque fois ça a été France 3 non la première diffusion c'est la création en France ou les diffusions parce que sinon j'ai du France 2 j'ai beaucoup de France 3 je crois que est-ce que t'as Donkey Kong Donkey Kong la famille de la jeune c'était M6 ah oui pas faire ça parce que sinon ça rentrait dans les mains du doubleur donc vous m'avez tous dit non et c'est du France 3 les atteints de l'espace. Mais c'est vrai! Ensuite, on va passer sur du... c'est générique D.O. Parce que j'ai pas réussi à trouver... C'est Arnold. C'est Arnold. Et version VO. Et donc, du coup... Complètement Nickelodeon. Oui, c'est très Nickelodeon ou pas Nickelodeon. Ah oui, oui, complètement. Il y a eu un film qui était... Ah ouais. Ah, oui, c'est vrai. Ils veulent refaire un film d'ailleurs. Là, ils voulaient réactualiser les personnages et tout. Mais je crois que c'est un peu tombé à la flotte en fait. Donc ouais, ça a été diffusé sur TF1 en 1998. T'as l'impression qu'il y a des trucs, ça a été diffusé de 10 milliards. Mais ouais, mais en fait, pas du tout. En fait, tout ça, ça a été un deux ans différent. Ouais, c'est ça. C'est comme Animal, tout le monde croit que ça a duré. Oui, non, mais ça, c'est les multiples. Oui, mais la fois, il nous l'avait dit qu'elle avait dit que même pas 6 épisodes. Il y a 6 épisodes d'Animal, et en fait, ça a tellement. Et le pilote, en fait, il fait 4 minutes. Ah, d'accord. C'est bon, ça, en fait. Tu te rends compte qu'en fait, les super nanas sont plus vieux que R. Arnold. Ah, bah ouais. Oui. Clairement, oui. Ah, oui. Mais c'est vrai que pour moi, non. Quand tu y réfléchis, pour moi, Arnold c'était beaucoup plus vieux que les Super Nana. Pour moi, les Super Nana, ouais, c'est en même temps que le laboratoire de Dexter. Mini éjaculation, moins de chances d'avoir d'enfant, Donc, Nickelodeon Oui. Nickelodeon. On était sur quoi là? Arnold. Oui. Tocho aussi. Oui. Asto aussi. Oui. Et vous avez raison. Mini-cum, mini-éjaculation, on est d'accord. On passe à l'animé suivant qui est... Et on fait des gros bisous à Revan avant. Bonne année Revan, salut. C'est pas merci de passer. Le dernier, Nickelodeon, Denver, Nickelodeon. Denver, le dernier dinosaure. Ouais. Moi je dirais non parce que faire chier les gens. C'est vieux ça. France 3. C'est quoi, c'est 86? Ça a pas commencé sur la 5 ou ça? Alors, moi je dirais non quand même. 88, la question, c'est commencé sur la 3 ou sur la 5? Alors, en France, c'était le Disney Channel le samedi soir. La première diffusion, ça a été France 3 en 1989. Ouais, oui, c'est l'émission Disney Channel qui vous appelait ça. Il faisait ça le samedi soir sur Disney Channel avec Zorro. Non. Non. Pour moi, c'est du Disney ça. Moi, je le mettrais bien même du Nickelodeon. Tu mettrais bien? Non. Eh bien, c'est un petit peu l'ovni de toutes les séries, parce que c'est de la syndication. Donc ça veut dire que ça a été produit et les chaînes achetées le produit. De la syndication, un peu c'est comme Xena. Comme Xena, c'est Xena le... Xena la guerrière. Xena la guerrière, c'était la syndication qui est un spin-off de Hercule. C'est vrai. Non mais je sais pas, mais je m'en fous. Ah non, mais Xena, c'était un peu... Et du coup, t'es la pelouse. Donc ça raconte quoi les lesbiennes? Ah bon, t'es la pelouse quoi. C'est une bonne de potes qui ont... Parce que moi je me souviens de ça quand ça passait sur Disney Channel le samedi soir. C'est de la syndication, donc en fait il n'y a pas de premier truc, ça a été produit et les chaînes achetaient le droit de diffuser en fait. C'est pas une chaîne qui a produit derrière ou qui a acheté. C'est marrant ça donne. Ouais, sauf que c'est ton ami est bien plus encore. Ouais, Denver, le dernier Dick Dinosaur. C'est juste le générique après. C'est ça, on passe à l'animé suivant qui est... Je sens... Oh putain! Oh espèce d'enculé! Oh putain! Toi, si je fais ça, ça t'aide. Non, Superman? Non, je devais trop aussi. Non, c'est La GLA! C'est ça! La Justice League? Oui, Justice League, la GLA! La Ligue des Justiciers. France 3. Non, mais la GLA, c'est passé sur France 3 et ça, c'était des droits d'ici. Et les droits d'ici, c'était pas Nickelodeon. Donc, ça a été diffusé sur France 3 parce que, Batman, parce que 2002. La... Ouais, là, je mets Metropolis, tout ça, c'est pas passé sur Nickelodeon. C'est une production française où les studios ont voulu se réattribuer. Déjà, quand tu vois le trait dans le dessin, c'était Bruce Timm. Ça, c'était Bruce Timm, c'était l'âge de Metropolis. Les Batman, la série Batman qui a suivi. Ils sont moches. C'est français, ils sont moches. Ah c'est beau. Je trouve ça joli. Déjà, Batman. Moi, j'aimais le design. J'aimais le design de Martian Manhunter. Oui, Martian Manhunter. Moi, j'aimais le design de Carl. Trop taillé à la serpe. Oui, mais c'est le design de Team. C'est le design de Team. On a quand même. Merde, Stewart, j'ai plus le nom en Green Lantern, qui est le premier Green Lantern. Ah, le noir, le James Stewart. James Stewart, donc l'afro-américain. Bah, qui est génial avec. Franchement, c'est une série, il y a Flash, il y a Wonder Woman. Il y a tout le monde, il y a Hawkgirl. Il y a Hawkgirl, il y a Hawkman. Ouais, et il y a. Oui, Hawkman après. Ouais. Et il y a Wonder Woman. Hein? Il me semble. Wonder Woman, t'es dedans aussi. Bah, Green Lantern. Oui, donc, du coup. Pour moi, c'est non parce que bah voilà parce que j'aime Bruce Timm et que c'est, je suis sûr que c'est pas niqué volé. Toucheux. Non. Jonjon. Non, mais moi je suis non plus. Asto. Moi je supportais pas cet essai animé. Ah ouais, ah ouais. Putain, ah, putain, ah, putain, pourtant, moi j'aimais bien avec leur petite base extrême. Bah, putain, qu'est-ce que j'avais. La base orbitale. Qu'est-ce que j'avais en parlant du truc quoi. Oh là là. Batman qui était casse-couille. Et on apprend à la fin de la saison 1 qu'en fait, Hawkgirl était là pour préparer l'invasion des son peuple. C'est vrai. C'était le seul perso que je trouvais classe en fait. Hawkgirl ? Ouais. Ouais. Bah, ah non, mais sa masse électrique. Moi j'ai toujours eu ce côté touchy de DC parce que DC ça coûte un peu touchy. Batman, Superman. Si t'aimes pas la mythologie de suite, c'est. Voilà. C'est même pas la peine. Tu peux passer à la poubelle. Et donc du coup, bah non. C'était sur la même chaîne que le laboratoire de Dexter. Et donc, carton et quoi. Ah ouais, j'aurais pas cru. Oui. J'aurais pas spécialement. Moi, bon, le pire, c'est que la seule série qui plaisait aux filles, ils ont remplacé par une série encore plus girly. Et ça, c'est très récent en plus. Parce que si tu veux, ils ont sorti la GLA, mais pour les jeunes, un peu le Teen Titan. Ah, un peu, je sais pas quoi. Il y a un truc vraiment fille où et ça plaisait vraiment aux femmes. Il y avait Robin, il y avait tout ça, ça plaisait vraiment aux femmes. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont annulé, ils ont fait par une série encore plus girly. Oui, où il y a Wonder Woman, Supergirl, Batwoman et il y a une autre fille. Oui. Mais de temps en temps, on se bagarre parce que quand même, on n'est pas les clichés sexistes. Ah. Donc, l'animation qui est... Il y en a encore. 3, 2, 1... Et, pas bon. Et là, quelque chose bien, je te reconnais. Emmanuel Curcine. Calme. Le mec qui fait la voix de Oui, Thunder. Le Thunder. Mais je vois pas ça. Voilà. Mais oui, Jimmy Neutron avec son petit chien. C'est dégueulasse. Oui. Cerveau en éruption. Pas dégueulasse. Plastique, je dirais. Oui, c'est vrai. Je mets la 3D. Il y a eu un film d'ailleurs. J'aimais bien. Un film, ouais. J'aimais beaucoup Jimmy Neutron M6. Jimmy Neutron M6. Non. Ah, pas du tout. Non, TF1. Moi, la série que j'aimais bien sur M6 à l'époque, c'était une fille avec un espèce de monstre un peu bizarre, là, où un robot, il évoluait. Mais ça avançait jamais. Et ça, c'est perdu dans les lèmes aussi. Jimmy Neutron. Je comprends. Mais si c'était un robot, elle montait dessus et tout. Et ça avançait jamais. Ah oui, non, mais je confonds complètement. Donc. Et ça avançait jamais dans une série. Et Jimmy Nickelodeon Oui. Ouais. Parce que oui, ça faisait partie de la même écurie que Bob l'éponge. Donc. Toucheur. J'avais pas vu beaucoup, mais. Bah, pour moi, c'est sûr. Dessin, ah, ça faisait partie de la même écurie que Bob l'éponge. Pour les souvenirs que j'en ai. Dans les jeux avec Bob l'éponge, des fois, tu peux avoir Jimmy Neutron. Ah oui, je suis sûr et certain. Moi, ouais, je dirais oui. Asto. Oh, moi, j'ai mis un gros doute là-dessus. Le but t'habite. Ouais. Eh bien, c'est du Nickelodeon. Ah, les jeux sur GameCube de merde. Il était dedans. T'avais Battle un peu comme Smash Bros. Mais de merde. Certains diront que c'est déjà de la merde. L'anime suivant qui est... Il y a fort longtemps, dans une contrée lointaine, moi, Samurai Joe. Maître des ténèbres, non et seigneur aux mille c'est pas la fin. Et lâché sur le monde t'as le bon début, mais t'as pas la fin. T'as la première lettre qui est bonne, le deuxième mot. Il le reste. Un samouraï Joe, on va pas tout vous niquer, parce que c'est du match à coup d'emploi. Alors tu dois avoir le bon ton, mais c'est pas le bon. À une époque où les forces du mal qui sont à mon service imposent ma loi sur terre. Samouraï Jack. Cherche à retourner dans le passé. Ça, c'est pas tout d'emploi. Ah non, c'est le gars, ça a été diffusé sur France. Samouraï. Ouais, ouais. Je connais pas. Ils ont ressorti une seconde saison assez très, oui. Très mature d'ailleurs. Et qui était sur un network, ça doit être Netflix ouais. Ou un truc vraiment de à la demande, il n'y a pas trop longtemps je crois, l'année dernière, ouais, l'année dernière ou au début d'année. Mais vraiment très très très excessivement mature. Ouais. Donc pour moi c'est du Cartoon Network, ça faisait partie de ces jeux un peu cheapos que t'avais sur Facebook. Donc c'est du Cartoon Network. Je connais pas du tout. Tocho. Pareil, non je connais pas donc j'irai pas de bêtises. Asko. Je sais pas. Eh bien c'est du Cartoon Network, exactement. Ouais. Parce que moi je vois le jeu sur Gamecube tout cheapos. L'anime suivant qui est du... Cet épisode est bien. Oh putain! Le classique, hein, bien sûr. X-Men? X-Men Evolution. X-Men Evolution, ça passait sur France 3 chez nous. Ouais. France 3 en 2001 et plus précisément dans F3X. F3X, le choc des héros! Ouais. Mais oui, bien sûr. Y avait, dedans, il y avait X-Men 3. Oui, c'est là que justement qu'a apparu X-Men 3. X-Men 3. Voilà, que pour ceux qui connaissent, bon, c'est le Wolverine féminin, le clone de Wolverine. J'ai craché sur la musique, mais je peux respecter le comics quand je veux. Je pense que ça faisait partie... Non, mais ça faisait pas partie du package DC. Bah, non, c'est Marvel. C'est du Marvel, c'est du Marvel. Attends, là tu me non, déçois. Non, mais parce qu'à l'époque... Franchement, non, mais... tu me déçois, là. C'était non. À la suite. C'était à la suite oui. De oui. Justice League. Non, non, mais parce qu'à l'époque... Dans F3X, il y avait X-Men Evolution. Il y avait la série Spectacular Spider-Man. Oui, c'était sur TF1 ça, c'était pas sur M6, c'était pas sur France 3 ou... Il y avait pas une série Spider-Man sur M6 aussi ? Non. Ou c'est peut-être sur M6, mais c'est pas sur France 3 Spider-Man. C'était Ultimate, hein. Non, Ultimate, c'est... Non, non, à cette époque-là, il n'y a pas eu un dessin animé en 2000... Non, parce que là, la première série Spider-Man, dans la première saison, il se bat contre les robots, là. Comme ça, je les avais, moi. Non, mais ça, c'était TF1, ça, je le sais. Ça faisait pas partie de ce package-là, c'est sûr. Donc ? Non. Moi, je dirais non. Non. Non plus, Toche non plus. Non. Non. Eh bien, vous avez raison, c'était sur Kids WB. Ah oui. Donc, Kids Warner Bros. Ah. Comme les Animaniacs. Je crois. Non, mais c'est vrai, mais... Ensuite, donc, avant-dernier animé qui est. Les Razmoquettes. Est-ce que t'as le nom anglais? Ça, par contre, ça va être nickel. Le nom anglais est très porteur parce qu'il y a eu plusieurs saisons. Parce qu'après, il y a eu la saison où ils sont ados. Oui, mais c'est les Razbitumes. Oui, exact. Qui a marché. Moins bien. Moins bien. Bah, en même temps, la première saison était tellement importante. Moi, c'était toujours avec vous, mais ça, franchement. C'était bien, ouais. C'est une moustache, hein, à l'époque. Pierre, elle est je sais plus comment il s'appelait, il y avait les jumeaux, les grumeaux. Les grumeaux. Il y avait. La binocle. Sophie qui était la. La binocle. Ouais, il y avait la binocle. Il y avait la binocle et le chauve, enfin, le perso principal qui était chauve, du coup. Là. Je te retrouve. Ouais, c'est pas Arthur, un truc comme ça. Non. Et on va aller marcher après, ça peut-être. Casse-bonbon. Hein. Donc, Charles-Édouard dit... On va aller marcher après, ouais. On va... Ouais, par devant, je te rejoins. Donc, qui était Charles-Édouard. Charles-Édouard. Les grumeaux pour Phil et Liliane. Liliane. Ça, c'est donc, il y avait Quet-Quet. Donc, oui, c'était la méchante... entre guillemets. Ouais, voilà. Et t'avais, je crois, c'est Sophie, la vie de Quet-Quet. Après, non, la chinoise c'était la demi-sœur de la binocle. Ah oui, on vrai. Voit au niveau du film. Ah, on la voit parce qu'il y a plusieurs films. Il y a eu plusieurs. Deux films. Il y a eu un film de Razmoquette avec les, la famille de la famille de la. Il y a eu un crossover entre les deux. Ouais. Et il y a eu un film la famille de la jungle, c'était Nickelodeon. Donc Razmoquette, Nickelodeon. Je ne comprends pas. Il y a eu trois films. Les Razmoquette, le film. Le Razmoquette à Paris. Et les Razmoquette rencontrent les. De la jungle. Ouais. J'avais le jeu sur la Game Boy Color. Moi. Ah, ça c'est une belle merde. Donc... Ouais, il était bien, il était d'une difficulté. Ah bah c'est une belle merde. Ahurissante ouais. Sur un niveau, mais sinon il était cool. Tu l'avais fini. C'est de toute façon, Asto il a dit donc. Razmoquette, Nickelodeon. C'est Nickelodeon. C'est bah Nickelodeon, s'il y a eu un crossover. Ouais, pour moi, c'est la jungle. Du Oui. Même avant, ça y ressemble. Ouais, et bah oui. Un crossover, forcément, c'est un crossover, c'est que. Un crossover. C'est comme un cross, mais ouvert. Et on arrive enfin au dernier animé. J'ai dit quand c'est beurré, ça. Qui est... Attention à l'écoute. Ah. Oui, j'arrive. Ah, Rank. Oh, le fils des Ashfar Rouge. Alors, le fils des Ashfar Rouge. Alors, attends, je me tente. Ah non, ça c'est pas Nickelodeon. Alors, Rank. Allez, on part pour une heure et demie. Ça a été créé par André Chéret et par Monsieur Le Cureux. J'ai plus son nom de Monsieur Le Cureux. C'est une série. Alors, si tu t'attardes sur la doubleur principale, c'est le doubleur de. Comment il s'appelle? De MacGyver. Celui qui fait aussi Charlie Anderson, du coup. Donc, ce qui est très méta, parce qu'en fait, Rand, en fait, il crée n'importe quoi, et en fait, de l'avoir mis le jeu de MacGyver, c'est méta. Oui, tu vois, le niveau du méta et du méta. Et il y a l'épisode du jeu. Sauf qu'il a doublé Rand avant de doubler MacGyver. Oui, bon, c'est vrai. Mais pour moi, c'est méta. Méta, c'est un peu de la Superman la cause. Et pour moi, ça reste méta. Ça reste méta. Ouais, tu vois qu'on parle de Superman. Mais pour moi ça reste quand même quelque chose d'assez méta parce que Raon c'est un peu le... Tu vois, ah là, ben, c'est l'enfant des Ashfar. C'est ça. Non mais il crée des trucs parce que l'épisode où il tue le dinosaure là avec la lance... Alors qu'historiquement c'est impossible. Mais oui c'est impossible. Mais c'est ça, pour moi c'est une histoire à la chérie le plus heureux. C'est improbable. Mais voilà, il y a ça. Et pour moi c'est le funny game. Donc pour moi c'est non, mais... C'est rare parce que je le vois courir dans le générique. Alors. Et mon père a le générique en 3-3 tours et il est quasiment introuvable ce truc. Alors, pour info. Et pour nous en plus. En France, sur les chaînes, on va dire. C'était passé sur la classique, ça a été ouais, non, c'est FR3. Oui, ou FR3. Oui, FR3 à l'époque. Parce qu'en plus, France Région 3. En plus, tu n'arrives pas à retrouver tous les épisodes. C'est-à-dire que si tu arrives à retrouver des VHS, les VHS les plus communes que tu trouves, il n'y a pas tous les épisodes. Ouais. Un peu comme. Dis donc, quand je regarde tous les Tintins, il n'y a pas Tintin au Congo, je comprends pas. Ouais. Voilà, mais c'est là, c'est fait exprès. Là, c'est fait exprès. Là, c'est politique, c'est autre chose. Voilà. Alors que là, il manque des épisodes pour manquer des épisodes. Alors Raon, quand il collait son coutelas sur une épaule, il faisait tourner. Ah non, mais moi je suis sûr. Alors, pour info, j'ai gagné un concours à un festival de BD parce que j'ai marqué coutelas. On était avec son père et sa soeur et. Ouais. Alors, même et lui, père, c'est le. Et moi, j'ai gagné, et pas eux, et ils étaient vert. Bien dégueu. Ah, oui. Moi, mon père. C'est la coutelas. Ben, qu'il avait dit, mais ton père, en fait, au dernier enregistrement, mais ton père, il a su qu'il y avait une expo Rang à Rhodes. Bah oui, c'est lui qui avait fait la statue, non, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est voilà. Ce que t'avais dit dans le podcast. Alors, en fait, tu, ça fait 3 ans qu'on a le blog, presque, on a toujours pas mis la statue. Ouais. Parce qu'en fait, on est trop cons, en fait, oui, je me souviens que t'en avais parlé, Oui. Donc, en fait, c'est juste qu'on est trop cons, tout simplement. Bah, comme d'hab, faut pas changer qu'est-ce qu'on a à foutre, voilà. Et il l'a fait pour lui, puis voilà. Ouais. Ah non, mais pour l'expo, il l'a fait pour se marrer, on l'a fait pour se marrer, puis voilà. Tant que ça lui va comme ça. Bah ouais. Ah non, mais moi, Raon, moi, c'est le pinacle de ma vie, tu vois. C'est comme, je suis comme David Mourier, c'est le pinacle de ma vie. C'est le pinacle. Donc ça a été diffusé, par contre, tout début en 1987. J'aurais dit bien avant encore, moi j'aurais dit vers... J'aurais plus tôt, tu vois. Encore j'aurais dit 83. Plus début 80, tu vois. Ouais, j'aurais vu plus début 80 que 87, tu vois. Ah, c'est pareil, hein. Seulement 87. Eh non, mais moi je vois le vinyle, je vois Raon qui court là, de face, et qui saute le logo de Raon. Ouais, mais tu vois, moi j'avais 87. C'est vrai qu'il sautait pas dessus. Il sautait le logo de Raon. Ah non, mais moi la voix de Chani Anderson, pour moi c'était la fin du game. Pour moi, il me semblait que j'étais plus jeune que ça quand ça a démarré. Et donc du coup... Le bon bleu. Moi je dis le bon bleu, quoi. Je dis Krao. Krao. Nickelodeon. Raon, fils de Krao. Ouais. Moi je vais dire non, allez, parce que... Non, je sais absolument pas ce que c'est. Jean-Jean, pardon. Je connais absolument pas. Tu connais pas Raon. Tu connais pas Raon. Du tout. Non, moi je dirais non. Je rejoins Jean-Jean parce que je connais pas Raon. Ah, pour moi, et ça bien, ressemble pas du style Nickelodeon, mais... La première diffusion a été faite sur... Canal+. Ah ouais ? Ouais. Ah, tu m'apprends des trucs, toi. Ah, non, Canal+. Pour moi, Raon, c'est le... Mais après, ça a été diffusé sur France 3. Ouais. Raon, ça fait partie Canal+. Des rares trucs... Si je veux faire un terrain avec des BD, il y a Pluto et Raon. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le fun du game parce que c'est dessiné de ouf, les scénarios sont nés. Canal Plus qui a produit, enfin qui a permis de diffuser ça. Ouais. Je parle pas de la du remake dessin animé qui a eu. On parle pas. Ce remake avec le Shitty Friend tout foireux là. Oh, ouais, non, mais là, ça c'est non. Sonic. Ah non, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Même Madame Chéré, elle a des doutes. Alors, pour te dire. Tu sais que elle est si jeune que ça. Parce que moi, je le voyais vraiment plus. Ah, mais moi, je le vois courir, là, il sautait le logo. Oui, moi aussi. Direct. Oui, oui. Moi, j'ai l'impression de rentrer de l'école quand je suis en CP, et du coup, quand mais je suis toi, là, après, je le vois. Toi, ça te coûte pour rien, parce que moi, c'est mon père, c'était vraiment. Mon père, il allait au marché de journaux, il achetait Raon. Tu vois, pour moi, Raon, c'est un peu l'époque des maîtres de l'univers. Oui. 82, oui, 83, et dans mon imaginaire, enfin, hein, dans mon. C'est vrai que vu l'animation, parce que c'était quand même. Bah, c'était pas un petit peu. C'était de l'époque, quoi. Quand il arrive dans le cimetière des éléphants, là. Ah oui, c'était un peu un de là, comme ça. Oula, oula, oula. Et donc. Mais moi, c'est générationnel, c'est famille. Oui, la voix de Mike Gaver, en l'occurrence, c'était la voix de Edgar Givry. Ah, lui, je l'embrasse à mort. Tu parlais des maîtres de l'univers, c'est 87 aussi, en fait. Ah, bah, tu vois, j'ai les bons repères, j'ai pas les bonnes dates, en fait. 87, le premier ressorti, c'est 7 août 87 aux États-Unis. Ah oui, c'était, nous, ça doit faire attends, un an ou deux ans plus tard. Alors attends, ça veut dire que j'ai un gros problème psychologique, c'est que moi, j'étais en CP, j'apprenais à jouer du clairon le vendredi soir. À la fin, j'ai arrêté de jouer du clairon ou de la clarinette ou de la trompette là, comme je sais pas, ils nous faisaient du solfège uniquement parce que fallait. Il y avait les maîtres de l'univers à la télé, j'avais 6 ans, donc c'est 80. Après, ça peut-être aussi les multiples rediffusions, parce que ça a été diffusé sur France. David Morier le disait, hein. David Morier. Je te jure que moi. Quoi s'appelle, je te jure que moi, les maîtres de l'univers, je l'ai vu en 82. C'était son après lui. Moi, les maîtres de l'univers, c'est 82. Ça se trouve, ça a été diffusé après, et ça a été rediffusé, on va dire, en même temps que les maîtres de l'univers en 82. C'est. Enfin, comment il s'appelait le méchant déjà? T'as vu les maîtres de l'univers, mais après. Ah non. Sorti août 87 aux États-Unis, décembre 87. Par le pouvoir du Graal ancestral. Oui. Parce qu'après, il y a eu le film avec Dolph Lundgren, mec, belle merde. Non, le film n'existe pas. Ouais. Ah, c'est parce que c'est une très belle merde. Donc, voilà pour mon quiz de Niquez-vous Odéon pour savoir si c'était du. Eh, cet épisode et la musique est avancée. Dis-le derrière. Vraiment pas mal. 2h55. Mais on a encore 3 quarts d'heure. 3 heures, putain, quand on est 9h d'enregistrement. Ben en même temps, il est minuit. Il est minuit. Non. On a commencé à midi. On a fait un midi minuit. Ouais. On va se promener quand même. Oui. Ah bah oui. La prochaine fois, marathon, hein. Les 24 heures. Hein. Ah bah carrément. Hein. Bah de toute façon, là, on a fait 12. Oui, oui, je suis à 8h30 du soir, il va être là. On a fait 12, la prochaine c'est 18, et dans 6 mois c'est 24. Ça fait 30 ans que je me suis pas fait. Et c'est vrai en plus! Oh, je sais pas, c'est parce que j'ai passé à écoutez, je pense que. On en a assez fait pour cette fois-ci. Je pense que quand je vais réécouter le dossier Jossin Trani, même moi-même je vais m'en vouloir. Mais ça, ouais. Moi quand je vais écouter pour la première fois le dossier Jossin Trani. Bah, le mec il a débranché pendant 1h30. J'ai discuté avec Revan pendant 1h30 en fait. Non, mais c'est pas le pire, c'est quand je vais le monter moi. Je fais putain, c'est vrai qu'on a. Qu'est-ce qu'il est con, Gandalf? En tout cas, on peut remercier les courageux qui ont écouté. Ah ouais, putain. Et on remercie les courageux qui réécouteront. Aussi. Bon courage, les mecs. Hein. On est quand même à notre troisième épisode de 3 heures d'affilée, au moment où on enregistre ça. JPP. Ah, mais je l'avais dit, mais là, il fait vraiment plus de 3 heures. Parce que la musique, là, on est à 2h57. Oui, mais j'ai pas pris une musique de 10 minutes. Elle fait 4 minutes 59. Ah, bon, c'est 3 heures. Qui qu'on veut. Petit toucher, je laisse pas aller. Voilà. Donc, ma musique, comme Gandalf l'a si bien mis sur le conducteur, hashtag le Japon, puisqu'il s'agit du morceau Eiko Sen. Oh putain, bâtard. Attends, parce que du coup, on met une jingle ou pas avant? Oui, jingle, pardon. Jésus dit à Mathieu, descend du train et gonfle les pneus. Et maintenant, chantons. Donc, il s'agit du morceau Eiko Sen de Sayuri. Je triche un peu parce que je vous ai déjà passé du Sayuri dans le podcast il y a déjà ça quelques épisodes. Je vous avais passé l'ending de Erased. Oh bâtard, mais oui, ça y est, je vois ce que c'est. Donc cette fois, je vous passe l'ending de Kuzu no Ankai que je vous avais sélectionné, un animé de l'année. Et donc je vous propose l'ending de Sayuri. Raison de plus de regarder l'anime parce que j'adore cette chanteuse. Merci à tous, à Nishat. On se dit à l'année prochaine parce que du coup c'était décembre. Et bonne année, bonne Noël, bonne année. Chopez bien le Père Noël, tout ça. Bref. Des bises, gros cunis. Toujours gros cunis. Tous au barbecue. Tous au barbecue, voilà. Attention à la merguez. Et à la prochaine. Ciao, ciao, la bise, bye bye. Bise. Taïyoke wo nukedashite Heiko sen Ah.